KL, tous les soirs 21h minuit sur Énergie et l'intégrale en podcast sur énergie.fr. Nous sommes en 2010. Toutes les émissions subissent la sévérité de la direction d'Énergie. Toutes ? Non, car une équipe d'irréductibles gaulois résiste au patronat. 5 ans après, ils sont toujours là le soir, sur Énergie. Michael, c'est Astérix dans ta radio. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, si jamais il y a quelqu'un qui... Un ostéo, je suis nouveau coincé, ça me saoule. C'est un marabout qu'il te faut. Ouais, ou sinon tu devrais essayer les masseuses thaïlandaises. J'ai fait un massage thaïlandais il y a 3 mois ou 4 mois. Tu t'es fait sucer quoi. Non, t'es conscient de ce que c'est un massage thaïlandais. Ouais. Un massage thaïlandais traditionnel, Parce que moi aussi j'ai déjà fait un massage thaïlandais. Non, c'était très sympa, mais je suis toujours coincé quoi. Ah ouais, non, bah là la meuf elle m'avait. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être devenu un élastique. Hein. Ouais, je sais pas, faut voir. Oui, pourquoi pas, mais c'est cher hein. Bah non, ça allait encore. Ouais, combien? Pourquoi tu fais un massage 30€, un truc comme ça. Ouais, bah parce qu'en fait, j'ai mal au dos de manière un peu chronique. Oui, d'accord. Oui, mais je vais tourner ma question différemment. Pourquoi ne pas être allé voir un kiné, un ostéo? Pourquoi avoir choisi un massage? Bah parce que j'avais déjà fait un ostéo qui m'avait pris 60€. J'avais déjà fait un kiné qui m'en avait pris 45. Et je me suis dit, son côté belge est remonté. Ouais. Et donc je me suis dit, bon allez, la thaïlandaise est à 35, donc je vais essayer la thaïlandaise. La thaïlandaise est à 35. Ouais, c'est ça, il prend, c'est comme le coca, il est à 20 centimes, Pepsi t'as 30, ben, je prends le coca alors. Exactement. C'est ça, ouais. Bon, donc du coup, de nouveau coincé, mais c'est pas grave, hein, tout va bien se passer. Enfin bref. Et c'est celle qui m'avait fait le plus de bien. Ah ouais? Et pas sexuel, machin. Non, ouais, j'aurais bien aimé, mais non. Ouais, au contraire, m'aurait donné, tiens. Bon, Sandro va bien aussi? Oui, ça va. En forme? Oui. Bon, tant mieux. La Rousse également? Ça va. Tant mieux, Jack aussi. Ça va. Bon, bah c'est bon, alors impeccable. Ce soir, mauvaise nouvelle. Il y a eu un petit problème technique avec le répondeur. Ah. C'est-à-dire qu'en fait, on avait récupéré tous les messages. Et tout s'est effacé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, c'est dommage ça. Bah, ouais. Donc, faudra attendre demain pour le répondeur. Hein. Vous pouvez laisser vos messages 01 40 71 3400. Voilà, au niveau ils du son ce soir. Ils peuvent relaisser leurs messages d'ailleurs. Ils peuvent relaisser les messages du coup, effectivement. Timbaland et Katy Perry. On passera également Hall City avec Fireflies. On fera péter le son de Muse avec le nouveau single de Muse qui sera accessoirement la BO de Twilight 3. Ce sera Neutron Star Collision. Il y aura également Section d'Assaut. On fera péter du son rock US bien entendu. Il y aura Robert Francis avec John Bug. Et puis bah comme tous les jeudis, on fera aussi le Faux JT qui arrive dans quelques instants. Ouais. Faux JT dans un instant. Sarco Game tout à l'heure. On fera également le problème du forum du jour. Chéri, je t'ai fait cocu ou GAV. Si vous voulez vous inscrire à l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit, c'est possible. Suffit de faire le 612. Débutez par énergie, puis vous mettez cocu ou GAV. On salue également ceux qui sont sur le groupe Facebook. Fabien, Arthur. Il y a qui également? Il y a Christelle, il y a Clémence, il y a Camille, il y a Hervé, il y a Clara. Il y a qui encore? Il y a Fabien, Rémi, et puis tous les autres. Hein, mikael.fr. Si vous voulez lâcher vos messages, quasiment 70 000 personnes. Si vous voulez donc venir faire grossir tout ça, mikael.fr. Cliquez sur la communauté. Voilà, et puis ce soir on ira faire, enfin vous irez, puisque là mon coup ne me permettra malheureusement pas de le faire. Comme c'est par hasard. Ouais. Non, franchement, j'aurais bien exprès. J'aurais bien voulu le faire. Ouah, en plus, quel pour mytho. Non mais oui, bah, comme je fais du wakeboard et que j'arrive à en faire, je me dis peut-être qu'avec du skate j'y arriverai peut-être quelque chose. Ouais. Plus qu'avant en tout cas. Mais bon bah là du coup c'est mort. Ah ouais. On est déçus parce que nous on avait mis tous nos espoirs en toi. Mais j'ai le cou coincé. Non mais ça joue avec les jambes. Avec les pieds, ouais. Mais non mais tu dois tenir l'équilibre, ta tête elle doit bouger là, je peux pas la mettre plus en arrière que ça, alors c'est tendu. Ouais. Idéalement c'est la tête baissée, mais bon c'est pas très pratique à terme. Enfin bon. Donc ce soir nous irons faire de la rampe. Alors c'est pas vraiment de la rampe. Hein. Alors c'est quoi alors? Un jump, quoi, autre chose. Ouais, c'est un module de skate quoi. C'est un module de skate. Ouais, je connais pas le nom exact. Ah bah enfin c'est des cubes en bois avec des montées et des descentes. D'accord, ok, très bien. Bon, on aura l'occasion de faire ça tout à l'heure. On salue quand même parce qu'ils sont quand même passés nous voir et nous ont déposé le matériel pour faire le skate. Red Bull donc qui est passé. Et puis bah c'est la Mani Mania. Voilà, qui sont avec nous et qui c'est seront une grosse un petit... compète a priori. Ouais, c'est une grosse compète avec des dates aussi à Chel le 6 juin, à Toulouse le 12 et à Lyon le 10 juillet. Voilà, donc et là à Paris et à la radio aujourd'hui. Pas mal. Et ça, c'est pas mal. On n'est pas sélectionné par contre pour les États-Unis. C'est normal, hein. Ah, c'est merde. Bizarre. C'est normal. Il y a un moment, c'est une question de. Comment on appelle ça? Bah, pourtant, Toff, j'ai énormément. Hein. Ah, bah, il a attends, un niveau de skateboard très avancé. Ouais. Bien sûr, attends, moi, je suis double champion de. De je sais pas, mais je suis le champion. Double c'est, champion. C'est d'ailleurs Toff qui s'est proposé de faire la démo en premier. Bien c'est sûr, ça, je vais leur montrer à tous les mecs qui sont venus là pour faire du skate. Je leur montrer comment on fait. Mais oui. Travail, toi. Mais bien sûr. Ils sont venus avec des protections, sûrement. Il vaut mieux. Toff, oui. Ouais, j'ai ramené des protections. Ouais, Toff est revenu avec. Ouais. Et demain, d'ailleurs, on recevra également Clément Lanoux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est normal. C'est un humoriste qui démarre. Et au final, on ne reçoit pas forcément que des gens connus. Là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui démarre. Donc vous aurez l'occasion de le rencontrer demain soir. Il sera le 8 et 9 juin à 20h au Théâtre des Feux de la Rampe. C'est dans le 9e arrondissement à Paris. Voilà, comme ça tout est dit. Je propose qu'on fasse péter le premier son de ce soir. Ouais. Allez, Jason Derulo maintenant, In My Hand sur Énergie. Et puis si vous voulez discuter head, avec head, nous head. Qu'est-ce que j'ai dit? Hand. Ah oui, bah c'est normal, Sandro mis hand. C'est head. Ouais, mais parce oui, que c'est un petit piège comme j'étais en effet tout au long de l'année. Elle pensait que c'était un duo avec Zao et Sean Paul. Voilà. Oui, c'est ça. Et Sean Paul qu'on recevra la semaine prochaine. On diffusera l'interview qu'on a été enregistrée hier à Paris. Voilà, donc si vous voulez parler avec nous de tout et n'importe quoi, 612 débuté par Énergie et Mickaël.fr. Cliquez sur la communauté. Mickaël, le podcast. Un peu de skate qui débarquera aussi d'ici une petite demi-heure, le temps de faire le Sarco Game aussi dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a tu t'énerves là? Non, du tout. Ah bon. Bon bah très bien, mais puisque tu t'énerves, hop, le faux JT. Ah très bien. Ah, attendez. Ouais, fais chier. Non mais on attend en secondes, c'est soit 30, soit 0-0. Ça ne sert à rien. Il est 10 et 30 secondes, c'est parti, le faux JT. Nous sommes le jeudi 3 juin 2010, bonsoir à tous. Politique. Après Ikea qui vient d'inventer la pub en kit à assembler soi-même, le gouvernement français fait de même en inventant le ministre en kit. L'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'y toucher, Jean-Louis Borloo se démonte tout seul. Monde. Les images sont impressionnantes, au Guatemala un trou monumental a été découvert. Ah bon, Zaya était en vacances là-bas? Fait divers. Un handicapé sans bras ni jambes va tenter de traverser la Manche. Mais comment traverser la Manche s'il n'a pas de bras? People. Laurence Ferrari a annoncé la grande nouvelle à ses collaborateurs en conférence de rédaction. Elle est enceinte. Elle accouchera d'une magnifique Testarossa. Attention à ne pas laisser les portes ouvertes, ça pourrait être douloureux. Environnement. Un espoir peut-être. BP a trouvé une solution pour aspirer le pétrole. Ils auraient fait appel à Paris Hilton ou même Loana pour pomper. Le point fort, c'est qu'il n'y aura aucun résidu puisqu'elles avalent. Allez, fin du faux JT que vous retrouverez la semaine prochaine, bien entendu, même heure. Enfin, du moins à peu près. On va prendre Romain qui est là maintenant. Salut Romain, comment ça va? Salut, ça va? Ça va, ouais. Ah, ça y est, ouais. Putain, c'est officiel, ça a démarré, rhume des foins là. À cause de... Rhume des foins, t'es une vache ou quoi? Bah non, rhume des foins, ça se dit pas ici encore, vous avez encore des... Si, ça se dit. Ah bon, d'accord, ok. Non, pollen, tout le bordel là, putain, j'ai éternué toute la journée. Avec t'as des problèmes aujourd'hui, c'est pas possible. En fait, Sandro, t'arrives à faire caca tranquillement, ça va? Ouais, chia, c'était le début de semaine, mais non, ça va mieux là. Sandro comprend plus le rhum de loin. Très bien. C'était une belle vanne. Oh, t'es tout rouge. C'est une vanne pour les alcools. Parce que je suis bourré. C'est le soleil. Ouais, ça doit être le soleil, ouais. Bon, t'as fait quoi de beau aujourd'hui, Romain? Excusez-moi. Bah, c'est pas grave, écoute, je t'en prie. Hein. Bah, alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai été en fac, hein, comme d'habitude. Bah, écoute, très bien. Ça va, la fac? Bah, c'est bien aussi, hein, mais bon. Ah, ouais, mais bon, il y a bientôt les partiels. Donc... Bah, c'est ça. Et donc, ce week-end, t'as prévu quoi? D'étudier. Eh ben voilà, bon week-end en perspective. D'accord, ok, très bien, écoute, amuse-toi bien Romain. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Romain? Ben j'ai un gros problème avec mon colocataire. Qu'est-ce que je supporte depuis... Ben je le supporte déjà depuis un an, je suis en fac de droit à Lyon, donc je le supporte depuis un an. Ouais. Et mon gros problème c'est que ben, déjà au début de l'année, on s'est un petit peu embrouillé. Ouais. Parce que j'ai invité, donc bon, moi j'ai des amis qui sont un petit peu arabes, un petit peu et tout. Et on s'est engueulé parce qu'ils sont un petit peu arabes. Comment ça, ils sont un petit peu? C'est-à-dire pas totalement, mais un petit peu, quoi. Ils ont juste le pied arabe. C'est quoi là? Non, je suis arabe, des noirs. Et je les ai invités chez moi, enfin, dans l'appart. Et déjà, on s'est engueulé parce qu'il n'en voulait pas dans sa chambre, ni dans la cuisine. Donc j'ai le droit de rester que dans le salon et dans ma chambre. Ouais. Bah, dans sa chambre, c'est normal, c'est son univers. Faut savoir respecter quand t'es en coloc. En plus, il peut être assise dans sa chambre. Oui. En plus, il est habillé et coiffé très bizarre. Il a des posters dans sa chambre bizarre. Il écoute de la musique bizarre. Mais qu'est-ce que t'appelles musique bizarre? Parce que ça métal, dépend. Du métal à setting, je sais pas. Du métal quoi? c'est du métal bizarre. Les goûts de la musique. Du métal bizarre, d'accord, ok. Hein. La musique de sataniste. Voilà, un petit peu. Ouais. Et le problème, c'est qu'en plus, j'ai l'impression, en fait, quand je vois lui, excusez-moi de le dire, mais de voir un nazi, quoi. Il a le crâne à moitié rasé, il a des amis pareils. Donc tu le soupçonnes un peu, quoi. Ben oui, puis quand, vu qu'on s'est engueulé sur ça... Je sais pas, il a un brassard ou pas? Il se balade avec un brassard? Oui, alors là, ça, il faut se poser des questions à ce moment-là. Hein. Non, il se balade pas avec un brassard. Et en plus, il a une meuf qui est un peu pareille. Ouais. Mais attends, mais tu l'as trouvé où, ce coloc? C'est-à-dire de les petites annonces ou t'as fait quoi? C'est pas moi qui l'ai pris, hein. C'est l'administration qui me l'a collé. Ah, t'as pas eu le choix, d'accord. Non. Et en plus de me le retaper l'année prochaine, puisqu'il refuse de me changer. Ouais. C'est quoi ta coloc là? Et en plus, j'ai pas. Excusez-moi, j'ai pas fini. Il a une copine et tous les soirs ils font. Voilà quoi. Et ça fait beaucoup de bruit. Bah c'est bien, au moins tu peux te branler en y pensant. Oh mais non, vu la gueule de la fille. Ah oui, la meuf elle est moche en plus. Ah bah si elle est crâne rasée aussi. Bah à la limite tu peux penser à une autre meuf et comme ça t'as les petits bruitages et tout, non? Ouais mais bon. Ça crie très fort et ça m'empêche de dormir surtout. Bah oui, j'imagine bien. Non mais bien, tu peux nous expliquer parce que je comprends pas comment l'administration peut t'obliger à avoir un coloc. L'administration, comment dire, ceux qui gèrent les appartements, il faut en mettre plein dans les appartements, ils m'ont mis avec un mec. Et le problème c'est qu'ils sont obligés à changer pour l'année prochaine et ils n'ont pas de place. C'est des espèces en fait de résidences étudiantes quand tu es à la fac et que tu viens de province ou de n'importe où, ils trouvent des appartements mais après c'est en coloc et apparemment c'est pas toi qui choisis avec qui tu te mets dans la chambre. Non. Ils peuvent t'obliger à être en coloc. C'est de la coloc, c'est des résidences étudiantes quoi. Ouais, mais c'est... T'as pas ta chambre tout seul. D'accord. Ou alors c'est plus cher je pense. C'est que, enfin, je sais pas si ça existe en France, mais en Belgique il y a ça vachement souvent. C'était en fait chacun a sa chambre, mais le séjour et la cuisine c'est commun. Mais c'est un organisme qui te les loue quoi. D'accord. Et donc tu peux te retrouver avec n'importe qui. Je savais pas que tu pouvais te retrouver. Putain, c'est une angoisse, t'imagines, parce que tu peux tomber très bien avec quelqu'un, bon, cool, mais tu peux tomber avec quelqu'un. Bah, la preuve, là. Ouais, c'est ça, voilà. Et tu peux pas t'arranger avec d'autres étudiants de la résidence, savoir si tu peux pas échanger de chambre ou. Ouais, non, c'est compliqué, j'ai un nazi si vous voulez. Non, mais faut pas le dire, faut pas le dire. Les gens le connaissent. Bah avec. Ah ouais, bah oui, c'est ça, en fait tout le monde est au courant que tu partages ta chambre avec un mec qui a un problème. Personne n'en veut. Vu qu'il a l'université, bah. Il apprend l'allemand, non? Non, je sais pas du tout ce qu'il apprend, je ne peux pas savoir. Il étudie le droit, mais après... Ouais, tu vois dans tes amis, hein, dans les amis qui traînent avec lui à la fac, en fait. T'es sûr qu'il n'étudie pas l'extrême droite? Parfois à l'appart. Parfois à l'appart. Hein? Je l'ai vu, et puis ses amis, je les ai vus parfois à l'appart. Ouais, bah ces gens-là, ces amis-là, ils ont aussi des chambres ou pas dans la résidence? Il y en a deux, oui, puis d'autres, non. Faut que tu ailles négocier avec eux. Négocier avec eux. Bah oui, ouais, parce que la seule coloc qui voulait bien échanger, c'est ceux qui ont le sataniste qui égorge les poulets. Hein, les deux vivants, enfin les deux. Ah, ils sont déjà ensemble, c'est que pour deux. Donc si c'est pour m'en taper un autre, ça sert à rien. Oui, non, c'est clair, avec un c'est déjà pas mal. Surtout que t'en as un avec la copine, ça fait c'est déjà pas mal quoi. Je m'entends pas du tout avec les trois, de toute façon. T'entends pas avec qui tu dis? Avec les trois. Oui, les trois qui habitent dans l'appart. D'accord. Bon, et donc concrètement tu veux quoi? Des conseils qui auraient déjà éventuellement été en coloc? Qui a déjà été en coloc ici? Bah nous. Vous? Toi? Oui non mais bien sûr. Mais je veux dire non, non jamais. Non mais oui mais bon voilà, je te parle de vrais colocs. C'est genre petit appart, cuisine au milieu et la cuisine c'est le centre du monde quoi. Bah toi. Ouais toi. Si, ouais. Non mais oui mais bien sûr moi mais ça deux, vous le savez. Ça. Non mais non, on n'était jamais là, c'est pas vraiment une coloc. Moi je te parle d'une vraie coloc où les gens... Avec des gens que tu connais pas surtout. Ouais, avec des gens que tu connais pas en effet, ouais, sinon... Non, jamais. Bah jamais. Moi il y avait une meuf que je connaissais pas, mais parce que c'était la copine du pote avec qui je m'étais mis en coloc. Et bon, la meuf était... Tu l'as baisé? Non, c'était un problème. Le mec, tu l'as baisé. Et le mec, tu l'as baisé, ouais. Le mec, non plus. Ah, le mec non plus, il a réfléchi, donc il s'est dit non, pas lui. Pas lui. Dire un autre. Mais la meuf, en fait, c'était une chaude du cul. Elle a ramené des mecs, un truc improbable, et tu l'entendais gueuler. Et le problème, c'est que ma tête de lit correspondait à sa tête de lit, avec le mur au milieu, quoi. Mais ça dépend ce que c'est comme mur, hein, parce que. Mais si c'était tout fin. La meuf. C'est un petit morceau de carton le mur. C'est-à-dire que t'entends tout en Dolby, tout le bordel. La meuf à 6h du matin, elle se faisait défoncé, mais vraiment défoncé quoi. À 6h du mat, mais ils n'avaient pas dormi ou ils se levaient? Si, mais elle, elle se levait tôt. Donc c'était avant de partir, elle se faisait déglinguer et puis à 7h elle était partie quoi. D'accord, ok. Bon, ce qu'on va faire, alors dans un petit instant, si vous avez des conseils par rapport à la coloc, vous avez déjà fait de la coloc, 6-11-12, débutez par énergie, vous balancez également sur emmickaël.fr, cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre. Groupe Facebook et Twitter de l'émission, vous tomberez comme ça sur des gens qui sont connectés dessus, notamment Sacha, Marie, il y a Alexandre, il y a Pauline, il y a Anne, il y a Chloé et tous les autres, mikl.fr. Tu restes avec nous, Romain? Ouais. Bon, d'ailleurs, allez. Je passe un petit bonjour à tout le chat. Hein, pour eh bah, écoute, très bien. À Marie, Mayan, Maboudoubou que j'aime, et puis à la présidente. D'accord, ok, bah écoute, le message est passé. Romain, ne bouge pas de là, 2 secondes. On va se faire le Sarco Game aussi dans un instant. Là aussi, si vous voulez vous inscrire, je rappelle que Micha peut jouer. Vous pouvez le choisir. Je dis ça. Je ne dis rien. Voilà, hop, c'est fait, c'est dit. Mickaël, le podcast. Qui veut faire du skate déjà? Il y en a qui sont volontaires ou pas? Bah ça me dérange pas, ouais. D'accord, Jack, ok. Leroux va faire un peu de skate ou pas? Oui. Très bien. Mais toi, fait chaud. Ouais, non, mais toi, fait chaud aussi, dit, ouais, bien sûr. Je rentre en Oli et tout, je passe le module. D'accord, ok. Bon, on va voir. On fera ça dans quelques minutes. Le temps de faire d'abord le Sarco Game. Qui est chaud pour faire le Sarco Game? Ah, ben on va voir d'abord Maxime va voir. Qui est là. Maxime et Hamza, bonsoir tous les deux, comment ça va? Salut Mika, ça va? Ça va. Salut. Ça va bien. Salut. Bon, Maxime, 20 ans, t'appelles de Dax? Ouais. Enfin, tu veux... à Bordeaux exactement, mais je suis à Dax normalement. Ah d'accord, donc là t'es où là? T'es à Bordeaux? Ouais, je suis à Bordeaux là. D'accord, ok. Alors Maxime, tu veux jouer avec qui? Avec Micha. Bravo. Très bien, ok. Génial. Ouais, c'est parfait. C'est parfait. Et Hamza qui est là en direct de Mohamedia au Maroc. On a pas commencé là. Hamza, tu veux jouer avec qui? Sandro. Avec Sandro. Très bien. Chers compatriotes, bonsoir. Et bienvenue dans le Sarco Game. Bon, faisons un test pour voir si tout marche. Une bonne décharge. On l'a déjà fait. Non mais je l'ai pas validé. Bonjour Sandra. Au max, mais au max. Non, c'est pas Micha. Mais au max pour Micha. Non, pour Sandro. T'aimes la douleur. C'est de l'abus de pouvoir ça. T'es sûr que tu veux que je le fasse Micha? Ouais, parce que lui rouge, j'ai pas confiance. Pas enfin, toi non plus, mais bon. Non. Oh. Ah, Jack, il va tourner les boutons là. Viens. Non, Jack non. Parce qu'il n'est jamais à fond lui. Bon, Maxima et Hamza. Ouais. Je vous rappelle les règles du jeu. Je vais donc poser une question rapport avec les people ou avec Sarko. Le premier qui a la bonne réponse donne son nom bien fort. Si c'est la bonne réponse, tant mieux. Il prend le point et l'équipe adverse prend une décharge. Si jamais c'est pas la bonne réponse, l'équipe adverse peut à ce moment-là se concerter. D'accord? D'accord, ça marche. Bon, et il faut prendre la main un moment ou un autre, hein, d'accord? Si vous ne le faites pas, je choisirai moi-même quelqu'un d'entre vous deux, ok? D'accord. Okay. Bon, Maxime et Hamza, on y va. Première question. Bonjour, Mickaël. Ah, bonjour, Nico. Quel animal sauvage est représenté 2 fois sur les armoiries de la famille Sarkozy? Hamza. Un lion. Mauvaise réponse, des charges. Et non, c'est pas ça. C'est bien fait. Maxime, tu peux te concerter avec attends, Micha. Attends, Micha commence à être méchant avec ses coéquipiers. Si, c'est vrai. Non, Maxime. T'es malade, toi, putain. Bon. Alors, Maxime. Oh, comment il te parle? Je sais pas, je vais dire... un tigre. En général, il y a quoi? Un coq. Ouais, non, Sarkozy, mec. Sarkozy, je sais pas... L'offensive. Hein? Ou la défensive. Ah, mais les éléphants. Des éléphants. C'est ça ? Éléphant, vous validez ça ? Maxime, éléphant, ouais. Éléphant, mauvaise réponse. Décharge pour Micha. Et non, c'est pas ça. Réponse, la douleur. Réponse, un loup. Ah ouais. Bah, c'est quoi ces questions ? Comment vous voulez que les gens ils sachent ça ? Mais au hasard, Micha. Mais tu chipotes là où je rêve. Voilà, t'aimes bien, t'as mal, hein. Mais oui, il a mal. Ouais, mais t'es pas sage. Pour quelle raison Maria Carré a-t-elle repris du poids récemment ? Hamza. Pour un film. Mauvaise réponse, des chars. Tu fais non, c'est ça. Hey, Sandro, tu chipotes pas la machine, hein. Voilà. Tu ne chipotes pas la machine. Je savais bien que t'aimais la douleur, toi. Hein. Donne pas ton nom, parce que moi j'avais la réponse. Elle, Roux, elle te frappe ou je rêve? Non, je te caresse. tiens, prends ça, Sandro. Michel. Elle a touché, moi je pense que ça mérite encore une décharge. D'accord. Ouais, ouais, elle a touché, ouais, elle a touché. Ouais, remets-en un coup. Ouais. Ça fait mal, Sandro. Touche pas à la machine. Oui, ça fait mal. Alors, Maxime, tu peux te concerter avec Micha. Alors. Micha. Ouais. Je pense que c'est. Elle a bouffé comme une. Elle a acheté un nouveau pantalon, elle rentrait pas dedans et. À mon avis, c'est ça. Toi, vraiment nul. Toi, tu veux prendre des décharges, en fait. Ton kiff, c'est de prendre des décharges. Mais non, mais il faut réfléchir, c'est de la logique. Ah bah non, si tu fais de la logique, tu donnes pas cette réponse. Hein. Bon, est-ce que t'as une autre idée? Parce qu'elle a grossi parce qu'elle a acheté un pantalon dans lequel elle rentrait pas. Maxime. Non. Une réponse. Maxime, elle a pris beaucoup de poids parce qu'elle a trop mangé. Elle a trop mangé. Ah voilà, on est sur la même longueur d'onde. Décharge pour Micha. Ouais, sur la même décharge. Mauvaise réponse. Micha, tu peux rester. Elle est enceinte, c'est ça? Elle est enceinte, effectivement. Bonne réponse, ouais. Enfin, bonne réponse, ça rapporte pas de points, mais bon. Question. Ce jeu est vraiment stupide. Mais non, il est pas stupide. 0-0. À quelle icône de la musique Lady Gaga est-elle fière d'être sans arrêt comparée? Moi, je sais. Je dis rien. T'as pas à le dire. Ah, mais je le sais. Eh bah ouais, bah. Ah, multicharge. Vas-y, encore. Arrête ça, toi. Mais ouais, mais tu les mets sur la voix, Micha. Au hasard, Maxime. Bien fait pour ta gueule. Madonna. Madonna, bonne réponse. Putain, oui. Sarah, bon, calme-toi. Allez, 1-0. On a encore un peu de temps. Question suivante. Non, mais ils ont gagné, Sandro. Hein. Non, parce que je peux poser encore deux questions. Après avoir vendu tous les bijoux que son ex-mari lui avait offert, Cheryl Cole a décidé de se faire retirer un tatouage où était inscrit MRSC. Ouais. Où est ce tatouage? Cette question est compliquée. Mais non. J'ai besoin d'une réponse, hein, Maxime et Hamza. Au hasard, Hamza. Moi, Maxime. Non, trop tard. Au hasard, Hamza. Son bras, mauvaise réponse. Déjà, Maxime, t'en flamme pas, ça. Voilà. Maxime. Bonjour Sandra. À la nuque. Moi j'aurais à la chatte, hein, perso. Je suis à 100%. Micha pense pas que c'est la bonne réponse, mais non, bon. Je suis à la chatte, ça se voit. Je suis à 100%, c'est dans la nuque. Ça se voit. Dans la nuque, c'est sûr à 100%. Ben oui, c'est sûr. Allez, allons. C'est ça? La nuque. Bonne réponse. Ah. Oui, bravo. Voilà. Allez, la dernière pour le sport, elle compte double. Ah ouais. Wow. Comment ça, elle compte double? C'est tu chipotes ou quoi? Non, mais non. Si, tu chipotes. Je t'aime, Michael. Ah oh, bah, il supporte pas qu'on lui dise quoi. Le Sarco Game, l'aime ou on le quitte. Exactement. Allez, dernière question. De quelle marque de luxe italienne Rihanna est-elle devenue la nouvelle égérie? Ah oui, il faut une réponse maintenant. Hein. Maxime, Hamza. Au hasard, Maxime. Le fromage, Maxime, pense-y. Le fromage est une marque italienne, bah donc oui, pour toi. Une marque de fromage. Eh oui, la mozzarella. T'as l'aide, Dio. Je vais dire. La mozzarella. Ouais, Santa Lucia, voilà. Bon, alors. Mauvaise réponse. Vêtements. Décharge non, pour Micha. Oh, il a pas dit de réponse. Ferrari, Ferrari. Il peut décharge, pour qu'il mange. Pousse-toi bien. Pousse-toi de là. Quelle aigreur. Quel grand con. C'est ouf. Bon alors, Hamza et Sandro. Hamza. Ouais. Hamza. Hamza, pardon. Hamza. Ouais. Alors. Bah, je sais pas, il y a Versace. Il y a Versace. Ouais. Il y a Tati aussi. Hein. Gucci peut-être. Il y a la Halle. J'ai besoin d'une réponse. Tu dis Gucci, quoi? Gucci. Fabio Lucci. Est-ce une marque italienne? Hamza. Ouais. Tu valides Gucci quoi? Bah Gucci. Gucci. Ouais. Mauvaise réponse. Décharge pour Sandro. Je suis sûr que c'était Dolce & Gabbana. Mais non, c'est pas ça. La réponse était Dolce & Gabbana. Je l'ai dit moi. Il a dit qu'il a dit. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais il a dit trop tard. Ouais, Micha. Mais il faut laisser réfléchir un peu quand même. Mais non. Le concept c'est la rapidité justement. Là, vous avez été mauvais. Ah, et quand même deux. Ah ouais, peut-être, mais enfin bon, mauvais quand même. Enfin bref. Ouais. Bon, et ben victoire Maxime par miracle hein, je sais pas comment t'as fait pour avoir la victoire mais je sais pas, franchement. Mais par miracle ouais. Bon, moi je suis d'accord, c'est grâce à Micha, dire que Micha porte bonheur donc n'hésitez pas à choisir. Double décharge pour Micha. Allez, pour le plaisir, vas-y. Ce candidat est redoutable. Trop tard, elle a déjà enlevé les machines. Bon, Maxime, tu repars chez Micha justement. On va prendre tes coordonnées, t'envoyer ton cadeau très vite, d'accord ? Y a pas de souci. Salut à toi, Max. Allez, à bientôt. Merci, vous aussi. Bonne soirée. Et Hamza, eh ben écoute, tu reviens quand tu veux. Hein. C'est ok. Bon, salut Hamza. Salut Hamza. Salut. Allez, à bientôt. Ciao, Hamza. Et si vous voulez jouer au Sarko Game, on remet le couvert demain à partir de 21h. À bientôt, bande de blaireaux. Eh ben, écoute, à bientôt alors, hein, pas de problème. Bon, dans un instant, juste après la pause, on récupérera déjà aussi Romain par rapport au problème de coloc. Donc vous aussi, si vous avez déjà fait de la coloc, venez nous le dire. 612 débuté par énergie ou sur mikael.fr en cliquant sur la communauté. Mikael, le podcast. Et puis, gros moyen, attention, nous sommes dehors du studio, hein, comme d'habitude, à 3-4 mètres à peu près. Voilà. Il manque plus que les transats. Ouais ouais, et le soleil aussi un peu, mais bon. Pour la Red Bull Manimania qui sont donc arrêtés tout près de la radio, donc ça ça fait plaisir, rien que pour nous concrètement. Et donc des skateurs qui sont avec nous, de bons skateurs, il faut le dire. Non mais il faut le dire. Non pas du tout. Alors Toff, c'est-à-dire qu'avant même de commencer, il a blessé Pablo. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc, les, voir ça. Les bruits que vous entendez, ce n'est pas Toff. Hein. Le bruit de Toff, c'est ça. Voilà. Voilà, donc c'était déjà pas mal hein, cela dit. Ouais. Donc vous avez raté tout à l'heure donc Pablo qui a été blessé alors qu'il ne fait pas de skate. C'est juste que Toff a voulu monter sur la planche, mais la planche a eu peur, la planche s'est barrée et a volé dans les pieds de Pablo. Voilà. Bon Toff, comment tu le sens alors ce truc-là ? Il était trop près, c'est-à-dire que j'avais besoin d'espace pour faire la figure que je voulais faire et bon il était trop près. Bah voilà, écoute, on va te laisser tout l'espace là. C'est ça, c'est ça. Toff a un casque de moto. Hein. Ouais, alors que les skateurs sont juste en short et en t-shirt, Toff a tout ce qu'il faut, genouillère, les coups. Les bras, le casque de moto et tout ce qui va avec. Alors donc on sait jamais. Bon alors comment ça va se passer, qui fait quoi? Donc Toff, tu vas démarrer là. Bon, est-ce qu'on peut avoir éventuellement Sandro est à côté du skateur, comment tu t'appelles? Jérémy. Salut Jérémy. Alors salut. Comment ça va se passer, t'as vu Toff un petit peu à l'œuvre? Exactement. Qu'est-ce qu'il y a comme travaux là? Alors on va essayer de le faire dropper le module. On a ramené un module du Red Bull Manimania. Donc le module c'est tout le bois qui est par terre, hein, c'est l'espèce de petit parcours. Exactement. Quoi. Ok. Et on va essayer de le faire descendre là-dessus. D'accord. C'est un peu en descente, ouais. Voire beaucoup. Ouais. Donc je pense qu'on va bien se marrer parce que il m'a l'air très d'avoir beaucoup d'équilibre. Donc, ouais voilà, tu remarqueras que son équilibre est très approximatif. Fort, hein. Ouais, très approximatif et encore approximatif étant précis. par rapport à ce qu'on imagine. Exactement. Bon bah très bien. Alors quelle est la première chose pour qu'il puisse y arriver alors? Alors la première chose, c'est que on va se caler. On va caler le tail de la planche. Donc pour les novices, le tail c'est l'arrière de la planche. D'accord. Ah ouais, on va le truc au golf ça. Ouais, exactement. Donc on va le caler sur le module. Il va mettre son pied dessus. D'accord. Son pied arrière. Ouais. Genre comme ça. Là, il va juste. Et genre, je pense aussi que c'est une bonne idée que tu lâches le micro parce que. Ouais ouais, parce que là tu vas casser le micro. Voilà. Bon toi c'est pas dramatique. Et le principe ça va être que tu fasses balancier avec ton corps. Ouais. C'est-à-dire que ton pied avant tu vas le poser sur les vis devant toi. Ouais. Ok. Et tu vas là t'es pas mal. Et maintenant il va falloir basculer en avant pour glisser. Sans tomber. Est-ce que t'es prêt? Je m'enlève. Non attends, est-ce qu'on peut mettre des renforts autour? Attends, Yarou qui va aller l'aider. Et derrière éventuellement aussi. Voilà, attends, ça va bien se passer. Le roux s'installe juste à côté de la rampe. Je veux pas du tout l'aider, je veux. Ah bon, d'accord. Juste à côté. Est-ce que t'es prêt? Non, je suis pas prêt du tout là. Non mais si si. Tu vas pas me lâcher là. Bah si. Bon, Jérémy, vas-y, lâche l'affaire. Oh là là. Attention. Oh là là là là, il a pas réussi. Polo a failli être blessé également à l'instant. Vas-y, réessaye. Deuxième essai. Bon, réessaye. Tu vas finir par y arriver là. Tu mets juste ton poids vers l'avant. Mais si, Pablo, voilà, viens filmer plus près, s'il te plaît. Non, mais sur le côté, tu risques rien. Mais non, à côté, tu risques rien, là. Voilà. Non, c'est rien, c'est quelqu'un qui arrive derrière. Allez, toi. Voilà. Non, mais le stressez pas. Bon, on le stresse pas. Donc là, c'est-à-dire qu'il y a une petite descente sur le merde, comment on appelle ça encore, Jérémy? Aide-moi. C'est un plan incliné. Voilà, c'est un petit plan incliné. Voilà, c'est ça. Ouais, la rampe si tu veux. Ouais. Et donc en gros, donc il est au-dessus de la descente. Il a la planche, les deux roues avant qui sont en l'air, les deux roues arrière qui sont au sol évidemment. Il a son pied sur la roue qui va vers le sol et il doit se laisser tomber pour avancer. Un truc. C'est exactement ça. Un truc un peu basique au final pour ce qu'on appelle un drop. Exactement. Voilà. Sauf que Toff n'arrive pas. Donc attention. C'est Tof. C'est bon, là, je suis non mais vas-y, vas-y, cache là, c'est-à-dire que tu mets ton pied dessus, tu mets ton pied, tu bascules direct. Allez, allez, bascule. Mets ton poids vers l'avant, Tof. Ouais, Jack dit de mettre le poids vers l'avant. Ouais, mais le problème c'est que. Allez. Ah mais non, mais je vais décider avec toi. Tu dois pas le faire en. Mais qu'est-ce que tu fais? Appuie. Bon, enfin. on va passer à une difficulté autre. Ouais, ouais. On va passer sur LOL, sur le plus gros, sur le plus gros module. Ça non, mais c'est dans le sol. Faut y arriver, faut y arriver, Tof. Bon, allez, vas-y. Dernier essai. Attendez. Quoi? S'il y arrive pas, il paye à bouffer après. D'accord. Ok, allez. Okay, allez. Tu dois y aller, mec, là. Il va être surmotivé. On est parti. Allez. Appuie. Mais tu mets pas ton poids. En tout cas, une chose est sûre, on a gagné à bouffer. C'est le poids positif de la chose. Est-ce que les roues avant touchent quand même le bois? Ou sinon attends. Non même pas. Recule, mais pars comme ça. Trop peur, voilà. Tu poses ton pied. Bah ouais mais c'est parce qu'il on part sur le plat. Allez on part sur le plat. Voilà. Et voilà, là on est bien. Bah le problème en fait c'est que la planche avance et lui veut aller plus vite que la planche, donc il met un pied devant la planche et après il s'étonne qu'il tombe. Ouais il a peur. Donc forcément c'est compliqué là. Bah ouais, bon roue, essaye pour voir. Oh mais ça va être pire moi. Mais non, attends, t'as quand même un peu d'équilibre roue, non? Ouais. Oh, il a quand même failli se viander alors qu'il est au sol, hein. Je veux dire, il était sur un truc mais plat. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est pas mal, ouais, c'est un début. Tu me diras, moi je parle, je peux faire, mais bon. Si tu peux, mais tu ne veux pas. Non, je pourrais le faire, mais je ne peux pas le faire, ce qui n'est pas pareil. Tof, tu refais la même, les yeux fermés? Allez, autour de la rousse maintenant, d'essayer. Même les yeux fermés? Non, pas les yeux fermés. Déjà que. C'est-à-dire que déjà, les yeux ouverts, j'ai du mal. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, allez, hop, autour du roue maintenant. Non, mais le roue, il n'a pas besoin de casse, c'est un warrior. C'est un warrior. Mais oui, c'est ça, il va y arriver. Je t'explique, Roux, en fait. Hein, pour que tu comprennes bien, faut que tu mettes ton pied derrière. Bah, hein. Après, tu vas voir, t'as ton pied. Roux, si tu veux un conseil, n'écoute pas. Hein, n'écoute pas. Et après, tu vois, ça glisse jusqu'au bout et tu te débrouilles. Voilà, okay. C'est ça. Bon, ça va aller. Le Roux, il va y arriver du premier coup, je le sens bien, là. Il a réussi, hein, tu vois. Ouais, non, le Roux, il est fort. Ah bah le Roux, il y arrive. Ah, ça y est, la planche est en dessous de la remorque. Ah non, ça va. Très bien. Tu vois, Roux, c'est facile. Et maintenant, tu viens de la grille, tu montes sur le premier étage, deuxième étage, tu retournes la planche et t'atterris de l'autre côté. Je te donne 100 euros. Ah oui, 100 euros quand même. Ouais, mais il arrivera pas. Hein. Enfin, sauf si c'est un connard de skater là et qui m'a rien dit. Et là, j'ai passé pour un idiot quand même sur le coup. Hein. Bon, allez, le roux va vraiment essayer. Donc le roux va vraiment se péter la gueule. Tu lui as demandé de faire quoi? Prendre la vitesse. Hein, je lui ai demandé de faire tout le circuit en fait sans tomber. D'accord. Prendre la vitesse. Ce qui est une chose. Ouais, c'est... Ah, c'est... Ouais. En fait, il a pas pris assez de vitesse, donc il est arrivé à la moitié de la montée, quoi. Donc après, il est redescendu. Donc, c'est pas mal, Roux, c'est pas mal. Ouais, c'est un début. C'est un essai, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas grave. Allez, Roux, qui prend un peu plus de vitesse. Le truc, c'est d'arriver à viser maintenant aussi. Hein. C'est ça aussi qui est compliqué. Allez, Roux, c'est parti. Le Roux prend de la vitesse. Pas assez, malheureusement. Eh ouais. Ah, il y avait de l'effet, hein. On est pas loin. Il y avait de l'effort. Il faut le voir aussi. Hein. Vous verrez ça, hein, sur amical.fr tout à l'heure sur le site photos et vidéos que Pablo mettra en ligne dès ce soir. N'est-ce pas? Ouais. Voilà, c'est parfait. Bon, bah, très bien le roux. Alors, est-ce que éventuellement t'as des conseils par rapport au roux, Jérém? Ouais, parce que par rapport à moi, c'est rien. Non, je suis tellement bon, tellement professionnel. Non, ça n'a aucun intérêt. Je suis au taquet, quoi. Ouais, c'est ça, t'as raison. Avec tes protections du 7 ans, ton casque de 77 ans. C'est pas mal. Bah, tu vois, je suis bon pour être rider là. C'est vrai qu'il ressemble à un adolescent, toi. Oui. Avec les protections et tout. Bon, Jérém, donc par rapport aux roues, un petit conseil éventuel. Un petit conseil plus fléchi, les pieds sur les vis, et puis ça devrait rouler tout seul après. Bon, allez, on est reparti. On en fait un petit dernier là. Il a pris plus de vitesse. Il a les conseils maintenant, c'est bon. Plus de vitesse, plus vite. Plus vite, roue, plus vite. Allez, c'est parti. Attention. Ça va bien se passer. On y croit. Attention. Allez. Vas-y, roue, t'es le meilleur. Allez. Non, t'as mis un pied en moins là. Tu peux le faire, on t'a dit sur les vis, roue. Non, il fallait mettre encore un peu plus de. Sinon, on propose de le pousser pour qu'il prenne de la vitesse. Oui, c'est une idée. Bonne idée, ouais. Tu veux que je te pousse, roue? Non, c'est pas Tof. C'est une idée. Polo. Bon, attention. Tu veux le pousser pour attention. Qu'il prenne de la vitesse? Non, bah non. Ouais, non, ça va pas. Eh, Jack, tu veux essayer? Sinon, je t'envoie Pedro 2 minutes. Hein, pour je veux bien, ouais. Bon, bah attends, je t'envoie Pedro juste pour voir si. Bah, qu'il y a au moins quelqu'un de l'équipe qui y arrive, quoi. Parce que sinon, on passe quand même pour des gogoles, là. Sur le coup. Allez, Roux, vas-y, réessaye. J'étais bon. Oui, non, t'as été très mauvais, bon. Comme dans la chanson, Tof. Allez, encore un coup. Ouais. Oh, pas mal. Repars de l'autre côté, descends. Ouais, c'est pas mal. Bah, bon, attends, c'est là. But. Ouais, là tu veux les protections, peut-être? Là, on le fait descendre de la grande rampe. de la grande rampe et donc il est censé bah, se casser la gueule en fait concrètement. Hein. Tu vas mettre des protections en route, t'es un warrior ou t'es pas un warrior? T'es pour Paris ou t'es pas pour Paris? Je suis un semi-warrior, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, donc t'es semi pour Paris, quoi. Ouais, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas grave, Jack est là, Jack il a pas besoin de protection, ça sert à rien. Hop, attention, il prend la planche. Faut passer au-dessus. On essaie de monter. Voilà, il faut arriver à monter, quoi. Mais le problème, c'est que le roux prenait pas assez d'élan. Toff, n'en parlons même pas, c'est-à-dire qu'il arrive. Ah si, pas... moi j'étais Oui, mais t'as descendu la descente, ah, c'est oui, logique, c'est facile. Bon, et Toff, après, tu descends la descente du garage ou pas? En skate? Ouais. Non. Ah, bon, assis sur le skate, je veux bien essayer. Bon, génial, dis donc. Hein. Bon, allez, on essaye ça, puis après on mettra un son. Je ne sais pas s'il y a comme son, mais Pedro va me dire ça dans 30 secondes. Bon, alors attention, Jack essaye. Oui, Pedro? Non, c'était quoi la question? Quel est le prochain disque? C'est assez cool. La parodie, Paris State of Mind. Eh ben très bien, bienvenue à Paris. Quel on mettra accent. Ça dans un petit instant. Bravo pour cet accent exceptionnel. Ah oui, il parle trop bien anglais, Pedro. Oh là là, le taquet du taquet. Ouais, mais c'est parce que c'est l'accent texan, vous connaissez pas. Non. Oui, ça doit être ça. Ouais. Donc là, il a fait une très belle figure puisque en fait, il a volé lui-même, mais le skate est resté sur place. C'est hein. Du no skate. Voilà. Et là, on a Anthony Rousse qui est en train de nous faire une petite démo. Ouais, donc Anthony arrive mieux hein, en revanche. Lui. Combien d'années d'expérience pour faire Je pense à partir de 5 ans. Ah quand même. Ah oui. Quand même. Ah oui, c'est pour ça qu'on est faible. À partir de 5 ans, on commence à avoir un bon niveau pour pouvoir skater ce genre de module. D'accord. Alors donc, ah oui, 5 ans, ouais, donc pas assez d'élan donc. Pas assez d'élan non. Non, toujours pas assez d'élan. Avoir de l'équilibre et puis avoir de la technicité, c'est vraiment des modules très techniques. Bah c'est ça, hein. Il faut de l'équilibre, il faut en plus de ça aussi de la vitesse. Ouais. Non, presque. On sent une tentative de ollie. Ouais. Le ollie, ce qui est la base du skate, ce qui permet de décoller avec sa planche. Que d'accord. Le skater se décolle avec sa planche. Bon, et pour ceux qui voudraient voir ça en live, ça se passe aussi chez vous. Il y a notamment des dates que je donnerai dans quelques instants, avant que tu les connaisses par cœur, Jérém. Il y a Chelles le 6 juin. Chelles le 6 juin. Exactement, ce dimanche. Voilà, Toulouse le 12. Et puis après, et c'est après, Lyon. On a la grande finale à Lyon. Le 8 juillet, je crois. Le 10 juillet. Le 10 juillet, j'étais pas loin, comme quoi, tu vois. Hein, le 10 un petit juillet. Peu de mémoire quand même. Hein. Vous avez toutes les dates sur redbull.fr/minimania. Voilà, très bien. Et donc, c'est Mania avec 2 NY et puis Mania comme Mania en temps normal. Voilà. Bon, encore un dernier essai, Roux, Jack ou Jack, pas Jack, ouais, Roux, Roux, il va descendre. Ah ouais, le roux va descendre. Attends, Jack va essayer, le roux descend juste après et puis on va revenir dans le studio. On écoutera aussi le son du SC Crew et puis on reparlera de la aussi dans quelques instants si vous avez des jeux, d'ailleurs des expériences au niveau de la coloc. 6-11-12, débuté par Énergie, vous laissez votre numéro. Eh non, c'était c'est presque. Dommage. C'était presque, mais c'est malheureusement un échec sur lequel nous allons rester. Le roux la descend. On va essayer après ou pas? Allez, bah vas-y. On va essayer directement là et puis après on mettra le disque et puis on va rentrer dans le studio, hein, sinon à un moment ou à un autre. Hein. Bon. Allez, attention, oh bah pique-nique maintenant. On peut essayer en scooter ou pas? Ah non, en scooter non. Bon, attention, donc le bruit que vous venez d'entendre, ce n'est pas le roux, hein, sinon ça aurait fait boum et aïe derrière, voilà. Allez roux, de la vitesse, on y allez, croit. Allez. Plus de vitesse. Non. Allez, la descente. Mais non, je t'ai donné les protections. Vas-y. Mets-toi droit, attention. Vas-y. Vas-y, pose. Oh là, il va se ramasser. T'es prêt? Allez, roux. Allez, c'est parti. Roux. Ouais. ça va. Le problème, c'est qu'il a sauté de la planche, mais sans prendre la planche avec lui. Ça en fait. S'appelle l'instinct de survie. Ça s'appelle l'instinct de survie, on est d'accord, effectivement. Bon, bah, je pense que, hormis Jack qui a montré quelques efforts, les autres, difficiles quand même. Ah, mais ouais. Ça fait trop longtemps que j'en ai plus fait. Ouais, bah j'imagine, ouais. Non, un peu compliqué. Bon, écoute, merci à Red Bull d'être passé alors, hein. Et puis, merci à toi et merci à vous d'être passé également. Merci pour les boissons, hein. Au moins ça on aura pu boire facilement. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, au contraire du skate. Et puis, bon, bah vous avez. Il y a un des trois qui est sélectionné pour la finale ou pas? Pour le moment, non. Tous les deux, Ben et Anthony, sont de Paris, donc ils vont faire les qualifications ce week-end. D'accord. Ce dimanche, donc en espérant qu'il y en ait un des deux qui soit qualifié pour la finale. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, bonne chance, amusez-vous bien, et puis merci de passer. Avec plaisir. Mickaël, le podcast. Bon, on est de retour en direct du studio donc toujours avec on a des planches aussi on a des planches qui sont donc encore à gagner. Donc maintenant que t'es dans le studio, tu peux le dire ouvertement, donc ça a été très mauvais hein. Ah ouais, ça a pas été brillant. Ouais. Mais tu penses que avec un peu d'exercice, on peut y arriver, enfin moi surtout. Alors oui. Ah, quand même. Et pas un petit peu. Ah ouais. Ah, ouais. Parce que tout à l'heure, il avait dit que pour arriver à faire les figures qu'il faisait dehors, il fallait 5 ans. Donc là, on n'est pas à l'abri qu'il faille une vie. Hein. Oui, oui, pour moi, ouais, je pense. Vers 70 ans, peut-être. Ouais, peut-être. Mais tu gardes ton casque et tes protections de 7. À vie. À vie. Oui, oui, à vie. Hein, ça, c'est je voulais faire greffer à l'intérieur. Surtout ne pas hésiter. Bon, en tout cas, il y a des cadeaux. Apparemment, vous n'êtes pas venu les mains vides. Ça fait plaisir. Exactement. Alors, on a les partenaires du Minimania qui nous offrent des cadeaux. Ouais. On a une board cliché à gagner. D'accord. Made in France. Made in France, exactement. Voilà, ouais. On a également un t-shirt Converse. D'accord. Et enfin, un, on m'a dit 5, moi. Ah, on m'a dit 5, autant pour moi. Ah, oui, oui, il y en a 5. Attention. Parce que lui, il en a partout, c'est pour ça qu'il disait 1. Ah, oui, voilà, c'est ça, ouais. Et, comme, et ça tombe bien parce qu'on est 5. Donc, ça, on l'enlève de la liste. C'est cool. Et puis, on a également une montre G-Shock. Voilà. D'accord, bon, bah, très bien, la montre. Tout ça à gagner maintenant. Vous envoyez bah, votre message avec ce. Meni. Mania. Red Bull, Red Bull. Non mais j'allais dire avec ce que vous voulez gagner, mais bon, entre la montre, la planche et le t-shirt, les t-shirts auront moins de succès évidemment. Ah, tu mets Red ouais. Bull montre ou Red Bull Red Bull t-shirt. Ouais, ouais, ouais, ouais. À la limite, ouais, dites ce que vous avez envie de choper. Donc 612, débutez par énergie, puis vous mettez cadeau. Voilà, c'est plus simple parce que sinon non, encore ils vont écrire KDO mania, ou cadeau. Mania, c'est facile. Ouais, mania, voilà, mania c'est facile à écrire. 612, débutez par énergie, vous mettez mania, le cadeau que vous voulez, montre, planche ou t-shirt avec vos coordonnées complètes et votre numéro de téléphone. Mishra se fera un plaisir de prendre vos coordonnées. Bon, merci à toi en tout cas d'être passé Jérém et puis bah bonne chance pour la suite. Je rappelle les dates si vous voulez voir les skateurs pro. Donc le 6 juin c'est à Chel, donc à Paris, enfin pas loin, 12 juin à Toulouse et 10 juillet à Lyon. Voilà. Tout est dit, je pense. Hein. C'est parfait. Bonne chance beaucoup. Pour la suite. Et puis, bah, Tof, à mon avis, viendra voir en pleurant. Oui, je vais aller voir, parce que je me suis pas bien rendu compte là de tout ce qu'on pouvait faire. Donc, c'est pour ça, si je les vois, peut-être que je pourrais imiter, quoi. Oui, bah, bien sûr. Hein. Plutôt faire ça comme ça, effectivement. Ouais. Ouais. Enfin, imiter bon. Vite fait, quoi. Allez, oui, c'est ça, ouais. Allez, bonne soirée et bonne fin de semaine. Merci, à bientôt. Salut à toi. Ah bon, on va reparler des colocs. Tiens, t'as pas eu de problème de coloc toi un jour, Jérém, tant que t'es là, non? Non, pas de problème, une super expérience. À Montpellier en coloc, ça s'est super bien passé. Avec un mec, avec une fille? Avec un pote à moi, un ami d'enfance. Et c'était vraiment, vraiment très bien. On a compris. Bonheur. Ouais, on a compris, donc c'était. D'accord. C'est bon à la gueule. On développera quoi. Pas. Non, non, d'accord, ok. Sexuel ou alcool? De tout. Hein. Très bien, parfait. Nous avons compris également, il n'y a pas de problème. Bon, Romain, alors, toi, c'est un autre problème puisque tu fais de la coloc avec un pote, donc c'est bien Michel, ça. Hein. Michel, oui, par rapport à Red Bull, ils sont où à Lyon? Ils sont où à Lyon? Je sais pas, vous êtes où à Lyon? On est Place de l'Europe. Place de l'Europe. Ah ouais, c'est pas où c'est, d'accord. Voilà, bah, c'est le 10 juillet, donc tu peux y aller hein, si tu veux. Là, j'y serai. Enfin, si t'es pas en vacances encore à ce moment-là. Donc je disais que toi, tu faisais de la coloc avec un mec ouais. assez relou, puisque de 1, il a des... Il est raciste. Oui, c'est ça, déjà il est raciste. Et puis en plus, il a une meuf qui est relativement... raciste oui. aussi. Oui, aussi, mais surtout bruyante. Voilà. Et surtout très bruyante, pardon, ce qui pose quand même certains problèmes. Il y a Erwan qui est là, avec qui on va parler dans un petit instant. Erwan, 19 ans de Lille. Salut Erwan. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut. Ça va? Bah ça va et vous? Bah oui, ça va bien. Salut, j'allais dire dans un instant, mais on va faire ça de suite. Hein. Erwan, c'est quoi ton avis toi par rapport à la coloc? T'en as déjà fait? Comment ça s'est passé? Dis-nous. Bah là j'en fais actuellement, donc je suis en étude en fac à Lille. Ouais. Et j'en fais, et le problème c'est que mon colocataire c'est vraiment un gros porc quoi. D'accord. C'est-à-dire un gros porc, il est crade ou il ramène des meufs et il les baise n'importe où? Non, non, même pas, c'est des meufs, déjà faudrait qu'il arrive à en choper. Ah oui. Non, il met des. Enfin, il laisse les slips par terre, les chaussettes puantes. Non mais attends, par terre, s'il est encore dans sa piole, tu vois, il fait ce qu'il veut, même si t'as certains moments non, des non, odeurs. Non, partout dans la baraque, hein. Ah putain, dans la. Mais comment il fait? C'est-à-dire qu'il y a un moment. Comment ça se passe en fait? Il y a un moment, il fait des. J'arrive pas à expliquer. Il se dessape en plein milieu du salon, tout ça? Comment ça marche? Bah apparemment, ouais, parce qu'il joue beaucoup à la PS3 et du coup, ben, il s'endort là et puis... Ah bah attends, mais c'est ouf. C'est-à-dire qu'il joue à la PS3 dans le salon et après, il s'endort, il se dessape. Ouais, mais voilà. C'est ça, le mec, il vire ses fringues puis il va prendre sa douche, quoi. Mais il s'endort en vrai, quoi. Ouais, mais enfin, c'est un mec, quoi. Non mais attends, enfin, je sais pas, moi, il me viendrait pas l'idée de laisser mes calbutes, mes chaussettes en plein milieu du salon. Bah, encore, ça traîne, ouais. Ça traîne dans ta piole, tu fais pas ton pieu, tu laisses traîner les trucs dans ta chambre, à la limite, bon, tu vois, si t'as envie de vivre comme un porc, au final, tout le monde s'en fout, quoi. Mais en plein milieu du salon. Ça me choque pas, moi. Ah non, oui, mais le contraire, bah non, m'aurait étonné. Quand il a parce qu'on a un étage, donc oui. À la maison. Voilà, c'est ça. Il les jette en par bas. Par terre. Ça passe par l'escalier, donc si tu passes à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé de les prendre en pleine tronche. Ouais, voilà. Et, et puis il les laisse ça en bas. Un joli hein. chapeau. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que du coup, ça nous fait des traces de freinage. Non mais arrête, je suis pas dans mon froc. Bah c'est limite des fois, non. Bah tu peux mal t'essuyer, tu lâches. N'importe quoi. Tu peux mal t'essuyer le cul en haut. Hein. Je te chierai dans ton lit, tiens. Comme ça, tu verras une vraie trace de freinage. Eh bah essaye. Ouais bah, me tente pas trop, c'est pas trop dur. Ouais, mais attention. Ouais. Un bon cake au milieu du lit. C'est ça. Bon, et donc Erwan, après, comment ça s'est passé? Donc pour, t'as eu une discussion, tout ça? Ah bah non, même pas. C'est que, bah, je préfère. Ses parents sont assez riches et ils paient pratiquement tout le loyer. Ah bah du oui, coup, mais après il faut savoir. Tu sais, il faut savoir faire avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le mec paye le loyer, bah c'est pas grave si. Non, je m'excuse, mais si je fais une coloc avec quelqu'un et que le mec ou la meuf paye le loyer, mais à côté de ça, il ou elle laisse traîner des affaires, c'est pas grave encore. Mais putain, si tu sais les vieux slips dégueulasses, les chaussettes qui traînent de partout, attends, ça va. Ses parents, ils passent de temps en temps ou pas? De quoi? Ils passent chez vous des fois les parents? Ah, ils pètent un câble. Hein. C'est vraiment de ça, c'est vraiment les gros petits bourles. Non mais ses parents à lui, quand ils passent des fois chez vous? Ah bah ils sont choqués. Enfin, ils l'engueulent déjà, d'accord. Ah c'est. Ah, ouais, il en a rien à foutre quoi. Il y a Chloé qui dit c'est dégueulasse. Oui, on est d'accord avec toi. Hein. Bon, attends, Erwan et Romain, restez là tous les deux. J'aimerais avoir l'avis d'une fille qui éventuellement ferait de la coloc avec des mecs ou avec un mec ou avec des meufs. En fait, tout simplement, pour avoir une idée. Reste là, Romain, reste là, Erwan. Mickaël, le podcast. Wet off encore là, il est parti où, cet idiot là encore? À dehors, je pense. Il est parti se faire enculer. Oh merde, on devait parler de dilemme là. Oh là là là là là là. Bon, bah c'est pas grave, tant pis. On va parler du problème du forum du jour aussi dans quelques instants. On aura aussi un petit chéri, je t'ai fait cocu. Si vous voulez vous inscrire d'ailleurs au chéri, je t'ai fait cocu, n'hésitez pas. Chéri, je t'ai fait cocu ou GAV évidemment. Hein. 612 débuté par énergie avec juste derrière chéri ou GAV, enfin cocu ou GAV avec votre prénom, votre numéro de téléphone, tout simplement. As-tu reçu mon problème du forum du jour? J'en ai trouvé un. Oui, alors je l'ai vu, mais je vous ai pas. Tu vois pas l'intérêt, quoi. Non, bah vas-y, viens le lire, comme ça celui non, du. Non, mais roux. Je sais, je l'ai en tête. Ah bah vas-y, dis-le alors. Bah en fait, c'est. Je savais pas que ça se faisait. Mais c'est une gamine qui a laissé un message donc sur un forum pour dire bonjour. Bonjour. Je cherche bonjour. À. Bonjour. Oui, bah, faut que je mette en. Bon, vas-y, donne-moi le vrai texte alors. Ah bah non, bah vas-y. Bon alors, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour et après t'enchaînes. Je cherche par tous les moyens à trouver des gélules à base de ténia. Ténia. Voilà. Ah, donc oui, le ver solitaire. Voilà, le ver solitaire. Ouais, parce que je cherchais pour moi parce que je croyais que j'en avais un. Ah, elle veut le choper pour en maigrir. Exactement. En fait, elle dit qu'elle a quelques kilos à perdre et qu'elle n'arrive pas et elle cherche partout des gélules pour bouffer le truc ou alors bouffer un germe de ténia pour que ça lui bouffe. Un scandale comme ça avec des coupes fins où justement c'était à base de ténia. C'était des germes. Sérieux? Ouais. Ça arrivait assez fréquemment, ouais. Et donc la meuf, voilà, elle cherche ça. Et globalement, si tu veux le choper, faut manger de la viande crue. Ouais. Un peu. Non, mais faites pas ça, parce qu'ils bouffent tout. Ils bouffent peut-être pas que la bouffe, hein. Ils bouffent aussi peut-être ton foie avec, hein. Non, je pense pas. Je crois pas qu'ils bouffent le foie, mais s'il devient trop grand, après, tu vis avec des nausées tout le temps. Parce que faut expliquer comment il s'extrait, hein. C'est par l'anus, hein. Ouais, donc c'est un vermifuge, hein, je crois. Ouais. En fait, tu bouffes des. Tu tues à l'intérieur, voilà. Mais après, tu chies le dos, quoi. Donc, s'il fait 7 mètres, tu pousses. Et en plus, tu prends les médocs, et ouais. Deux semaines après, il faut recommencer parce qu'il y a souvent des restes. Mmh. Et s'il y a 1 cm de reste et que tu le laisses, ça peut devenir 4 mètres au bout de 5 mois. D'accord. Là, j'en ai un d'Armel. Un problème. À tes souhaits. Moi, c'est l'allergie, là. J'en ai un d'Armel, hein. Okay. Il est dur, hein. Je sais pas si je peux le dire. Hein. Ah, si, vas-y. À base de quoi? Base de crotte? Non, donc je vais essayer de le dire avec des termes médicaux. Ah non, dis-le comme c'est écrit. Non, je peux pas. Bah, aucun intérêt sinon. D'accord. Tu relais l'information. Bon, tu relates l'information. Ceci est un message qui est envoyé sur un forum. Je ne fais que le lire à titre informatif pour voir si c'est déjà arrivé à des gens. D'accord. Tout à fait. Voilà, je décline toute responsabilité. Même si tu le dis. Même si je le dis, effectivement, ceci est à titre informatif. Je cherche d'ailleurs des médecins afin de trouver une solution à son problème. Cette personne qui veut savoir si elle est normale ou pas. D'accord. Chimou. Bonjour. Bonjour. Donc depuis quelque temps, je me pose une question, suis-je normal? Non. Ça commence très mal, oui, je te confirme. En effet, avec ma copine, nous avons un trip. Aïe, aïe, aïe. On fait l'amour... Dans le purin. Oh. Bah, c'est souvent à base de caca. Bon, jusque-là, c'est pas dramatique. Quand elle a ses règles, t'as des gens qui aiment, des gens qui aiment pas. Bon, ouais. Bref. Allez, courage. Allez. Tu es fort, je le lise. T'es un grand garçon. T'as vu pire dans ta vie déjà. Ah, genre, il se badigeonne avec les. Allez, devinez, à votre avis, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'avalent. Non. Quoique, on est pas loin, mais ils c'est récupèrent pas ça. Les doses. Hein. Ah non, elle lui fait une fellation derrière. Non. Et ils font comme les chiens, quoi. Ils la nettoient avant. Non, non. Ils récupèrent pas les. Il fait un cuni. Non. Les tampons, c'est à base de tampons, de serviettes. Non. Et... Donne-nous un indice là. Ils s'en mettent sur le corps et non, puis. Non. Disons cuisine. Que. Concrètement, comment ils font du boudin après? On n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils mélangent les règles. Oui. Avec la semence du monsieur, avec du pastis et puis santé. Ah Mais non, c'est pas vrai. Ah, c'est ce qui est marqué. C'est du mytho. Hein. Nous aimons beaucoup ça, ça nous fait rire. J'en ai parlé à mon meilleur ami qui m'a tout de suite dit que j'étais bizarre. Oh, depuis, il m'évite. Dégueulasse. Je voudrais savoir si d'autres personnes font comme moi. Non. Je vais mettre un doigt, j'arrive. Hein. Alors, oui, dans la bouche. Ah ouais. Oui. Ah, pour pas que tu refasses un mélange, toi. Non, aussi, mais quoi. T'as raison de m'avoir corrigé sur le coup. Je vais mettre un doigt et j'arrive. C'est bon ça, 22h20. On va couper. Putain. C'est dégueulasse. Non, mais c'est du mytho. Ouais, j'espère. Ça fait un Bloody Mary. Hein. On te l'a envoyé ouais. celui-là? Voilà. Oui, on me l'a envoyé, c'est Armel. Je soupçonne ouais, certains auditeurs d'aller poster des messages pour les envoyer. Peut-être. Ça peut être que les auditeurs. Hein. Mm. Les messages dégueux comme ça. C'est ceux qui nous écoutent. Hein. Ouais, qui ont l'habitude. Oui. Voilà, bon, c'est pas grave. Bon, Tof, comment ça s'est passé donc alors ça s'est passé là? T'as fait ton premier trou du week-end? Non, je t'ai négocié 2-3 canettes là. Ah, écoute. Ouais, bah, c'est gentil. Bah, t'as vu un peu? Ouais, bah, c'est pas mal. Mickaël, le podcast. Et avant de récupérer le problème de colocation là, avec Romain, Erwan et Charlotte, on va parler de dilemme maintenant. Et oui, cette grande émission que Tof surkiffe. Bah écoute, ouais, je surkiffais avant la lettre du CSA. Depuis la lettre du CSA, ça s'est un peu assagi, genre, tu sais, on est revenu au monde des bisounours, quoi. C'est ça, en fait, hein. Ouais, bah ouais, mais ils vont repartir après. Surtout que, attends, parce que le CSA va retomber dessus, parce que pour l'instant, comme ils sont toujours en retard, ils ont seulement vérifié. La lettre qu'ils ont envoyée, donc, début de semaine, c'était sur le 25 mai. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire la première semaine d'émission. Voilà, je crois ça. Que nous, la première fois, quoi, nous, hein, l'émission, on a reçu une lettre du CSA, c'est avec 3 mois de retard. Ouais. C'est pour ça le problème du forum du jour tout à l'heure, en fait, Énergie recevra une lettre quand on sera déjà parti. Voilà, en septembre. C'est pour ça que, bon, là, c'est vrai qu'on peut dire des trucs un peu plus rentrer dans le détail, parce que bon. Mais bon, alors dilemme. Ouais, alors il y a eu de la grosse chatte. Ouais, non, même pas. C'est ça, moi j'aimerais bien voir une bonne chatte velue, des trucs, mais il se passe rien. Pourquoi velue? Parce que c'est plus dégueulasse. Voilà, c'est plus crado quoi. Tu sais, s'il est bien épilé et tout, ça sert à rien. Donc c'était la journée Boys Band dans le cube. Ah, sympa. Wow, ouais, génial. L'euro aurait dû y aller, tiens. Ouais. Mais ça, ils le font à chaque fois. Hein. C'est quelle que soit l'émission, il y a toujours un moment où ils doivent faire la chanson de l'émission. Chanson pourrie. La chanson pourrie, ouais, avec la chorégraphie et tout. Bon, la chorégraphie, je vous montrerai pas, ça passe pas bien la radio. Ouais. Donc on va commencer avec la chanson des Oranges qui est. Ah oui. Ils ont pas chanté là encore. On est the three, never. Les deux qu'on est quatre, pour nous c'est forever. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Si on s'éclate dans dilemme, c'est parce qu'on vous aime. Love you. C'est insupportable. Ouais. Donc ça c'était la chanson des Oranges. T'es pas obligé de nous massacrer autant. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là on va passer donc forcément à la chanson des Violets. Qui forcément sera mieux. Bah écoute. Samy, JC, Rafi, on est les Violets. Samy, JC, Rafi, on est les Violets. Non mais c'est pas possible de laisser faire ça. Ouais. C'est ouf. Voilà. Donc c'était dur. Hein. Bon sinon on va passer à du mieux. À mon ami Florian. Ah. Ouais. Et donc petite devinette, que fait Florian? Oh Gaga. Il danse. Il regarde dans le miroir. Non. Il chante? Non. Il se lave? Ouais, il chante, mais c'est pas l'action principale. Il se regarde dans le miroir. Hein. Non. Il imite Lady Gaga. Il se met un doigt. Oh, Gaga. Bah, il se dandine, quoi. Non. Oh gaga. Il s'est fait mal. Il se fait un striptease. Non. Il fait pas oh ya ya tu vois genre. Là j'ai compris gaga. Il appelle sa mère. Ça serait bizarre. Ça pourrait ça. Hein ça, non, ça a un rapport avec les femmes. Il appelle sa meuf. Il imite une femme. Presque. Il imite la présentatrice. Non. Il fait le ménage. Ah, il fait le ménage. Ouais, ça avait un rapport avec les femmes. Oh, la violence. Ouais, c'est presque ça. Il imite les femmes. Oui, bah oui, c'est ça. Quel con, alors. C'est dingue, ça. Bon, voilà. Alors donc, vas-y. Ouais, donc tu sais, le pauvre, il a eu son dilemme. Un dilemme très, très dur. Puisqu'en fait, donc, il devait choisir soit être privé de soirée et faire le ménage. Et donc, rester dans sa chambre. Soit faire perdre de l'argent à son clan. Et il pouvait faire la soirée. Et donc il a choisi de faire le ménage. T'es la prison, gaga. Je dois tout nettoyer. Mais il a un problème, en chantant. Oh, gaga. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression qu'il passe sa vie à jouir, ce mec. Ouais, mais c'est ça en fait. Hein. Chaque fois qu'il parle, t'as l'impression qu'il est en train de se toucher, qu'il est en train de faire des trucs bizarres. Enfin, c'est la fille du cube. Hein. C'est la fille déguisée en homme. Qu'est-ce qu'il y a, Ro? Ses doigts sentent la merde. J'ai des doigts qui puent la merde. Non, mais Ro, sont décollés. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure avec les traces? Mais c'est bizarre. Vas-y, fais. Ah oui, oh. Mais quoi, t'as dû tomber ta main dans la merde et t'as pas vu avec le skate. Mais je me ronge les ongles depuis tout à l'heure. Mais il est pas possible, mais il devrait. C'est lui qui doit aller dans le dilemme. Là, tu vas l'avoir le téléphone. Non, je sens pas. Non, ah non, hors de question. Si. Hors de question. T'as obligé, Top. Hors de question, je lave tes caleçons déjà. Non, si c'est de la merde, je peux pas. Non, mais arrête. Je te mets pas dans le nez. Non, mais je veux juste pas le sens de loin. Allez. Tout le monde. Non. Allez. Mais tu me dois me dire si c'est vraiment ça. Vas-y, courage, Sandro, courage. Elle sent rien, elle. Sans la clope, mais pas. Ah si, ça sent. Ça sent, tu te persuades que ça sent pas, mais. Non, je sens la clope, moi, plus qu'autre chose. Ouais, non, si. Ah, ouais. C'est. Non, ah, non, c'est les deux. C'est bon, j'ai senti, laisse-moi. C'est plutôt l'autre doigt, non? Non, arrête, Roux. Si, ça sent. C'est ta bouche, peut-être. Là. Non, j'ai peur. J'ai peur. Ouais, comme t'as déjà rongé la moitié. Fais sentir à Micha pour voir. Vas-y. Viens, Jack. Oh, putain, moi, je te fais pas, je vous dis direct. Oh. Il a dû mettre sa main dans la merde, oh. Studio. Ouais. Non, moi, je fais non, pas, non, moi, je te vomis sur le doigt. Direct. Ah, non, moi, je vais vomir direct. Ça pue la merde. Vas-y, Micha, sens, fais un effort. Tu vomis, c'est prime. Non. C'est une prime. moi, je passe mon tour aussi. Mais Roux va te laver les mains. Oui, au lieu de faire sentir. Il est venu par derrière, il a mis son doigt. Ouais, sauf que je l'ai pas vu, donc j'ai bougé d'un coup et donc du coup mon cou a fait mal. Alors, sale con, va. Arrête, Roux, arrête, c'est dégueulasse. Arrête, va te laver. Roux, va te laver, putain. Va te laver. Entièrement. Oui, bah franchement ça te ferait pas de mal. Ouais, va te laver entièrement dans le lavabo. Oh là là. Bon, alors dilemme, la suite. Allez, on finit vite. Putain, on a vraiment notre dilemme ici aussi. Hein. Ouais. Donc cette fois c'est Marie qui a un dilemme. Alors son dilemme c'est de répéter tout ce que dit Florian. Et donc je vous ai pris un tout petit extrait. Je vous ai pris un tout petit extrait. Hein. Bah vas-y, Jack. Oh non. Oh non. C'est une heure, ça va. Qu'est-ce que tu penses du blin, Florian? Ouais. J'aime beaucoup du blin. J'ai pas dit comme ça. Si je vais décrire du blanc en trois mots, ça va être... En trois mots. J'aime beaucoup. Voilà. C'est nul. Oui, voilà, donc c'était un défi, ça. Oui, c'était un dilemme. Donc après une heure, le dilemme se finit. Oh là, pendant une heure, la pauvre. Ouais. Et on peut dire que c'était saoulant. Hein. On peut dire que c'était saoulant. Au début, c'était drôle. Et c'est vrai que... Au début, c'était drôle. Mais ensuite, ça devenait un peu de plus en plus lourd. Ouais, difficile, même pour surtout, celle Marie. Qui doit répéter, elle devait être crevée. Ouais, ça a dû lui casser la tête. Mais tu vois, enfin, je pense que là, au bout de 10 minutes, elle va dormir. Hein. Non, mais je comprends pas. Je sais pas. Bah, c'est à tenter, faut voir. Hein. Ça doit être rigolo, peut-être. Non, mais tu sens vraiment que depuis le truc du CSA, ils sont descendus vraiment d'un cran sur les dilemmes, quoi. Ouais, bah oui, mais il vaut mieux. Hein. Non, mais non. Pour eux, non, il vaut mieux pour eux. C'est ça, moi depuis lundi, j'étais sûr que ça s'arrêterait avant la fin, et puis là, ils sont retombés, donc. Bah, je sais, j'imagine. Bon, c'est pas très grave. C'est tout pour Dilemme alors? Ouais, c'est tout pour Dilemme. Allez, très bien. Retour avec Romain, là, problème de colocation, là. Charlotte qui voulait réagir, et Erwan également par rapport à la colocation, hein, justement. On en parlait tout à l'heure, Erwan, comme quoi toi t'étais avec un mec qui laissait ses slips partout, qui laissait tout traîner, en fait, concrètement, c'est ça? Bah, exactement. Hein, moi, ce qui me fait marrer, c'est que ma coloc, elle me fait trop penser à une série géniale qui passe sur Dailymotion, ça s'appelle Les Colocataires, bah, ça démontre trop. Et je sais pas si vous connaissez, non? Pas du tout. Non. Ah, vous connaissez pas, ça sur Dailymotion, c'est une chaîne. Mais c'est quoi? On connaît Dailymotion et les chaînes, mais ça parle de quoi? C'est quoi? Enfin oui, c'est Les Colocataires, ça va pas parler à un film porno, mais. Ah, ça pense. On sait jamais, quoi, moi, c'est vrai. Je peux t'expliquer un film porno. Non, c'est grave. C'est quoi? C'est des mini-sketchs, c'est ça? Ouais, c'est quoi en fait? C'est des séries de 2 minutes environ. Ouais. Des petites séries comme ça, enfin des petits films. Et ça s'appelle Ma Coloc, et c'est vraiment extraordinaire, ça se passe sur Dailymotion. Je sais pas si vous voulez le lien, non? C'est vraiment extraordinaire. Bah vas-y, non mais tu peux pas nous en dire un peu plus. Il suffit de taper les colocs dans Dailymotion, j'imagine. C'est quoi le lien? Si c'est un truc facile ou c'est... c'est un truc facile. Hein. Vas-y, fais péter. Le lien dailymotion.com/macoloc. Ah oui, effectivement, pour le coup c'est facile. Hein. Dailymotion.com/macoloc. Voilà. D'accord, bon, bah, si vous voulez jeter un œil dessus, n'hésitez pas, hein, sur la coloc. Et donc quoi, ça t'a appris des trucs par rapport à la coloc ou des expériences où tu t'es peut-être vu dedans en disant « Oh putain, ça m'est arrivé aussi, donc... » Ouais, voilà, ça monte surtout, je suis pas le seul à vivre ça, quoi, donc c'est vraiment drôle, quoi. J'ai vraiment l'impression de me retrouver et retrouver aussi, malheureusement, mon colocataire vraiment crado, quoi. Ouais, bah c'est ça, ouais. Bah écoute, bon courage, hein. Mais tu l'as dégagé, là, ton coloc? Oui. D'accord, ok, bon, bah ça va, alors, très bien. Il est pas encore... Enfin, on va dire qu'il a pris des vacances. Parce que malheureusement, comme c'est lui, en fait, il a 75%, enfin, il paye 75% du loyer. Mmh. Et du coup, en fait, il est juste parti en vacances 2 semaines, je suis tranquille, mais bon, il va revenir, quoi. Ah oui, ça va revenir, ouais. Ouais, bah écoute, faut faire le ménage maintenant, hein. Vite tout ranger, là. Par contre, j'ai fait une petite faute. T'as fait quoi? C'est dailymotion.com/mécoloc avec un S. Ah, mes colocs, d'accord, ok. Oui, en plus tu fais une faute, alors évidemment, on dirait qu'on s'y retrouve, on va jamais y arriver. Hein. Bon, ça marche, merci à toi d'être passé, alors, hein, et puis tu reviens quand tu veux. Hein. Bah écoute, pas de problème, bonne soirée à vous. Salut Erwan, ciao. Mickaël, le podcast. Bon, Mickaël, qui est avec nous maintenant de Roubaix, salut Mickaël. Salut, ciao. Salut. Comment vas-tu? Bah bien, et toi? Bah oui, ça va, oui. 22 ans, donc de Roubaix, tu nous appelles pour un petit chéri, je t'ai fait cocu? Ouais. Bon, alors, comment ça va se passer? On va faire quoi? T'as prévu une petite histoire, tout ça? Ouais, alors... C'est quoi? Donc c'est en fait du samedi, on a eu une petite soirée chez un ami, donc Cédric. Ouais. J'y suis avec ma copine, donc c'est vrai que ça a bien dansé, ça a bien bu, ça a bien rigolé aussi. D'accord. Et au final, ça a bien baisé. Et voilà, et en fait, donc elle a quitté la soirée un peu plus tôt que prévu, elle était un peu fatiguée, donc elle est partie un petit peu avant moi. Mm. Et donc voilà, donc moi bah, j'ai sympathisé avec une fille à cette soirée, on a fini la soirée ensemble, et puis là, bah, ce soir on a décidé de se revoir. D'accord, ok, très bien. Et donc bien sûr, tu es chez elle. Et donc en l'occurrence, Sandro, ça va s'appeler comment? Magali. Magali, très bien. Et donc Magali habite à Roubaix. Oui. À Roubaix. À Roubaix, j'ai dit. Roubaix. Et sa passion dans la vie, c'est le cyclisme. Et oui, wow. Bien sûr, Paris-Roubaix. Bon, alors Mickaël, on va y aller donc, hein. Est-ce qu'il y a des trucs que ta meuf tic, c'est genre tu lui as offert un cadeau en particulier récemment ou pas? C'est un truc auquel elle tient? Non, bah là non, pour l'instant non. Vous n'habitez pas ensemble? Non, pas encore. Ah, ça va venir, enfin c'est en projet. C'est en projet, oui. D'accord, ok, très bien. Vous n'avez donc, tu l'as pas jamais offert genre une bague, un collier, un bracelet, un truc? Ouais, elle t'a pas demandé un cadeau que tu lui as toujours pas offert? Si, une bague, ouais, dernièrement, ouais, c'est une bague. Voilà. D'accord, ok, très bien, parfait. Bah, moi j'en ai une. Voilà, c'est ça, offert par toi, évidemment. Bon, on y va, Mickaël, au plus elle s'énerve, sans pleurer. Attention, c'est important, donc le fais pas comme un bourrin, fais-le intelligemment. Si elle s'énerve sans pleurer, hop, pour toi, soit la console Nintendo Wii avec le jeu Wii Sport, soit le lecteur Blu-ray Philips. D'accord. Ok. Bon, on y va, bonne chance, Mickaël, c'est parti, on l'appelle. Ouais. Ça s'appelle Coralie, donc pour info, 25 ans, 3 ans de plus que Mickaël. Michel nous a dit que le cocu de ce soir allait être pourri. Espérons. Allô? Ouais, ma puce, comment tu vas? Ça va et toi, Mickaël? Que tu sois trompé, bien sûr. Ça va, oui. Passe une bonne journée. Bah ouais, toi. C'est mignon. Bah oui, tranquillou, hein. J'étais bien loin, me rappeler. Ouais, je sais, mais en fait, c'est pas évident, quoi. Il faut que je t'explique quelque chose, et voilà, quoi. Donc, il faut que je me lance, hein. De toute façon, je peux pas tourner autour du pot sans 7 ans. Donc, voilà, quoi. Tu te rappelles la soirée de samedi? Ouais. La soirée de Cédric, donc, voilà, quoi. On a bien rigolé, on s'est super bien amusé. Puis voilà, quoi. Ouais. Bon, ça m'a un peu. Bah, j'étais triste que tu partes un peu avant, mais t'étais fatigué, je comprends. Bah, et puis ben écoute, donc, pas facile, hein. Me réconforter. Donc ouais, mais on a continué la soirée, voilà, quoi, toutes les bouteilles sont passées, je crois, hein. T'as bu un petit peu pour prendre l'alcool. Triste, hein. Donc voilà, et puis ben tu sais que on a fait la connaissance de Magali, une amie à Cédric. Ouais. Celle qui était au fond, hein. Ouais, celle qui était tout au fond, là, qu'on faisait pas gaffe, en fait, hein. Ouais. Et puis c'était pour dire que on avait bien sympathisé tout ça, que elle m'a filé son numéro. Ouais, comme d'hab, t'as été la voir et puis t'as commencé à lui parler. C'est bon, une petite danse, tout ça. C'est genre elle devine pas. Quoi, et puis on va dire que la fin de soirée a dérapé un peu. Ça veut dire quoi, ça? Ça a dérapé dans le sens où tu me connais, quoi. Je m'amuse, puis à un moment j'arrête plus à faire la part des choses, donc je dirais qu'on est allé un peu loin. C'est-à-dire, vas-y, explique-toi un coup. Parce que écoute, j'ai pas envie que je me trompe, tu vois. Bah, en fait, un peu loin comme, non, un long, peu loin, comme long, les choses qu'on s'était dit qu'on devait pas franchir, quoi, les limites qu'on s'était fixées. Ah ouais? Genre, j'étais pas gêné. Michel était très heureux. Bah, bon, c'était l'ambiance de la soirée, quoi. C'était un peu de tout. On était dans le truc, quoi. On suivait. Et puis, on va dire, ça a commencé. Je dis pas que c'était l'ambiance. Quand j'étais là, il y avait rien du tout. Ouais, mais voilà. Après, c'est parti. Et puis. C'est long, c'est long. Là, donc, c'est sûr que ça a chauffé un peu, ça a mis de l'ambiance, et puis voilà, quoi. Donc on est allé, un petit peu plus loin que des bisous, on va dire, hein. Arrête, t'es avec tes potes encore, tu fais encore une soirée pote et c'est un pari, quoi. Non, c'est... Vas-y, on fait un pari, si elle te croit, si gagne, je sais pas quoi, je les connais, tes potes, hein. Je suis avec elle ce soir, là. Je t'avais dit que... Tu te fous de ma gueule, quoi. Tu m'as dit que t'étais en heure supplémentaire, tu vas pas me dire que t'es avec elle. Voilà, donc là ce soir je suis avec elle. Chérie, c'est quoi cette affaire? Chérie, oui, dis-moi que c'est une blague, franchement. La baguette que tu m'as offerte, elle est trop grande, il faut aller la changer, hein. C'est quoi cette blague? Dis-moi, c'est bon, t'es avec tes potes, je sais pas, moi, il y a un truc, c'est pas possible, arrête. Non, elle est là, elle est vraiment là, quoi. Enfin, je vais voir si elle veut te parler ou pas, enfin, si tu me crois pas, ouais, si, je suis vraiment chez elle, là. Ah, vas-y, passe-la moi 2 secondes. Bah ouais, je te la passe. Bah c'est qui, hein? Bah me réponds pas, couillon. Hein? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, c'est qui? Bonsoir. C'est Magali, hein? Ah ouais, Magali? Oui. C'est quand on s'est vu la dernière fois? Je sais pas, je te connais pas, moi. T'étais pas samedi à la soirée? J'étais en soirée samedi, exact. Ah ouais, et où? Bah, la soirée. Chérie, ouais, la soirée, c'était quoi déjà? C'était la soirée chez Cédric, c'était pour un anniversaire surprise. Voilà. Et tu savais pas par hasard qu'il était en couple? Qui était en couple à la soirée? Non, je sais pas, ça m'intéresse pas. Pour Te fous de ma gueule ou quoi? Tu nous as regardé toute la soirée, tu savais pas qui était en couple. Mais de qui tu me parles, là? Quoi, de qui je te parle? La fille qui était avec lui toute la soirée, genre tu l'as pas vue. Enfin, non, pas toute la soirée, c'est vrai, je suis partie avant. Chérie, mais c'est... genre tu l'as pas vue. Oui. Bah, oui, mais c'est ta cousine, alors? Non. Tu m'as dit que c'était ta cousine. C'est la fille que je t'ai dit que... Voilà, quoi, que... Ah, bah, c'est elle. Hein? Ah, je la voyais plus belle que ça. T'as dit quoi sur moi? Vas-y, dis. Je la voyais plus jolie, hein. Bah, va te faire voir, et tu t'es vu, toi. En fait, j'étais un peu fait passer pour une copine, quoi, quand... Non, mais t'es quand même un con, quoi. Tu te fous de ma gueule, dis-moi que tu te fous de ma gueule. Après tout le temps, là, dis-moi que tu te fous de ma gueule. C'est une blague, je sais pas, moi. Non, hein. Bah voilà, quoi, c'est... j'arrive pas à m'expliquer quoi, c'était, je sais pas, j'ai ouais, pas t'arrives pas à t'expliquer, attends, tu rigoles ou quoi? Ça fait combien de temps, s'il te plaît, qu'on est ensemble? Ça fait environ 5 ans. Et ouais, et c'est maintenant que, genre, tu vas me trouver une excuse, ouais, on n'est pas compatible. Bon, Magali, qu'est-ce que tu fous au téléphone, là, Mickaël, là, depuis tout à l'heure? Bah, je sais pas, il y a que sa cousine, apparemment, au téléphone. Ah bah voilà, donc oh t'es avec tes potes. Mais y a déjà tes potes derrière. Non, c'est un pote à elle. Tu peux tomber amoureux de son cousin, tu me dis? Ouais, vas-y, Mickaël, là, j'aimerais pas passer de la soirée au téléphone. Y'en a bien qui font des gosses entre frères et sœurs. Bah, dépêche-toi, merde. Tu me diras, on est à Roubaix, en plus, donc c'est bon, hein. T'es avec qui, là, Mickaël? Qu'est-ce qu'elle parlait derrière? C'est ma cousine. C'est ta cousine? Ouais, je suis ta cousine et tu te fous de moi ou quoi? Bah vas-y, raccroche, ou alors elle vient nous rejoindre, mais... Au bout de 5 ans, après tout ce que tu me dis, on va prendre un logement ensemble et tout. Attends, tu me parles de faire un baiser et maintenant tu me dis tu me trompes, c'est quoi cette affaire? Chérie, présente ta cousine. Pourquoi attends, j'ai entendu avec le haut-parleur, tu veux faire un bébé à ta cousine? Ah oh. Ouais, non, c'est pas lui, c'est elle. Il y a un peu assuré, là. C'est dégueulasse. Je sais pas ce qu'il dit, hein. Bah c'est dégueulasse, ça dépend pour qui. Ouais, enfin c'est ta cousine, genre... Mais quelle pute, elle derrière, elle te gêne pas. Hein. Pour elle, c'est pas dégueulasse. Quelle horreur. Bon, attends, passe la boîte. Elle est allô. Pourquoi tu dis pas que je suis ta petite copine, franchement? Allô. Hein, quoi? T'es sa copine? Ouais, t'es qui toi? Moi c'est Michel, salut. Ouais, Michel, salut, ouais. Bah attends, t'es la copine... C'est toi qui as trouvé cette blague à faire ou quoi? Quoi? C'est toi qui as trouvé cette blague à faire. Quelle blague? Je comprends pas ce que tu me racontes. Ouais, il m'a trompé. Attends, je vous connais, vous. Non mais attends, tu déconnes. Comme ça. Non mais ça n'a rien à voir là, il est avec Magali, alors je comprends pas très bien. Moi ouais, je suis un copain de Magali à la base. Magali. Non mais moi je suis un copain de Magali, je connais pas Mickaël depuis longtemps moi. Ah ouais. Donc je comprends pas. Bah là on est chez Magali, mais alors je comprends pas le problème. Enfin je. Donc t'es sa copine en fait. Ouais, je suis sa copine, ouais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et genre il vous a dit que je suis sa cousine. Bah oui. Il joue le connard comme ça, il sait pas ce qu'il dit ou quoi? Bah, je sais pas, mais laisse tomber, hein, c'est un connard. Hein. Par contre, moi je suis célibataire, tu veux. T'as quel âge? J'ai 25 ans. Ah. D'accord, ok. Alors tu fais quoi dans la vie? Ah bah ça, écoute, ça te regarde pas, hein. Moi je suis avec Mickaël, je suis pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais, bah enfin, je pose des questions comme ça pour faire connaissance. Ouais, bah moi j'ai pas envie de faire connaissance. T'es non quelle année? Bah je te le dirai pas. Bah pourquoi? J'ai 25 ans, normalement tu sais compter. Hein. Bah toi aussi, t'es non quelle année? Bah, je te le dirai pas, passe-moi Mickaël, s'il te plaît. Bah dis-moi, quelle année t'es né? Bah non, j'ai pas envie, passe-moi Mickaël, j'ai envie de lui parler à lui, j'ai envie de mais Michel, dis-lui que sur le téléphone, il y a la calculatrice, hein, si elle a besoin. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ouais, 86, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, si t'apprends à compter, tu sauras que c'est pas ça. Bah c'est fait combien, alors? Bon, tu me passes Mickaël ou tu vas me casser comme ça longtemps? Te casser quoi? Ah, casser quelque chose, je suis pas vulgaire. C'est bien. Il faut pouvoir. Bon, on va arrêter là. Hein. Oui. J'ai essayé. Bon, vas-y, passe-moi Mickaël. J'ai essayé. Ah, bah ça y est, maintenant c'est nerf, c'est trop tard. Hein. Tu l'as, Mickaël. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah, ils sont stressants. Hein. Franchement, il est con ou quoi? Il sait même pas le dire en face. Il ose me le dire par téléphone. Et après, il ose passer à un de ses potes. C'est quoi ça fait? Il. Qu'est-ce que j'ai mal au cou, putain? Ouais, ouais, mon roi. Ma puce. Vas-y, quoi? Ouais, écoute, voilà quoi. Fait passer pour ma cousine et puis bah c'était... Mais t'es qu'un gros connard toi, franchement, tu penses qu'elle est ta bite ou quoi? C'est quoi cette affaire? Ah oui, mais fallait s'énerver comme ça avant. C'est ça, fallait faire ça avant là. Tu vas prendre un appart, vas-y. Là c'est trop tard. Tu vas prendre un appart et tout. Bon, Coralie. Quoi? C'est Mickaël, t'étais en direct à la radio sur Énergie. Ouais, c'est ça, et moi je suis animateur de Chérie FM. Là, t'es là, on dirait que c'était préparé. Voilà, et bien grâce à ça, on sait que c'est préparé. Oh là là là là là là, mais il aurait fallu s'énerver bien avant. Mais tu le sais, tout ça là, Coralie et Mickaël. Vous êtes mauvais comédien. Oh là là là là là là, comme Micha. Ouais, bah, Johan qui dit mytho, mytho, mytho. Micha, t'es mauvais, mauvais, mauvais. Oui, bah, oui, oui. Marie qui dit Micha égale mauvais. Ouais, donc c'est une blague. Voilà. C'est... Je sais pas qui était le plus mauvais, hein, entre vous et moi ce soir. Oui, oh bah écoute, moi je sais, hein, t'inquiète pas pour ça, va. Hein. T'inquiète c'est pas pour ça. Comédie, Bon, Mickaël et Coralie, je vous renvoie chez Michel au standard. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Quel standard? Bon, et oh là là. Le standard de Liège. On va lui envoyer. Oh, Et international. Je vous en prie, je vous en prie. Pas mal. Quand même. C'est cadeau. C'est pas mal, tout ça pour rappeler que la Coupe du Monde démarre vendredi. C'est ça, exactement. Tu vas kiffer. Voilà. Vendredi prochain. Oui, vendredi prochain, pas demain, évidemment, ça tombe sur le sens. Mickaël, le podcast. Bienvenue à tous dans ce mag du jour. Un tour d'horizon de l'actu condensé et revu à notre sauce. Si on attaque avec ce premier titre dans l'actu, c'est évidemment cette tuerie hallucinante. Ah ouais, tu veux parler du Belge là qui a buté son juge et enfin le juge et son greffier? Non, c'est les petits joueurs, ça, à côté du conducteur de taxi anglais qui a abattu froidement 12 personnes hier. Un truc de ouf. C'était incroyable. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, ouais, j'allais dire le mec s'est fait un gros kiff à la GTA. Non, bah voilà, en fait il avait une épopée d'une trentaine de kilomètres et a tué des gens au hasard sur sa route comme ça quoi. Je me plains quand un taxi me demande plus de 25 euros, eux ça leur a coûté la vie quoi. Voilà, c'est clair. Ouais. Bon, toute l'Angleterre est sous le choc et même la France hein, s'émeut du serial killer en taxi. Ouais. À part un mec. Qui ça? Bah Samina Seri, il est bouillant pour Taxi 5. Ouais, c'est sûr, ouais. Ça sera enfin un film qui lui ressemblera, tiens. Bon, on continue avec les États-Unis alors que Barack Obama est un peu décrié à cause de l'affaire BP. Son prédécesseur lui fait un petit comeback. Ah, George W. Eh oui, tu es fort en histoire, Jack. George Bush donc est effectivement de retour. Et ce, sur Facebook, depuis deux jours, on peut l'ajouter à ses amis. Est-ce qu'on pourra lui lancer des chaussures sur son mur? À ce propos, il y a du neuf dans l'histoire du journaliste irakien qui a lancé une chaussure sur Bush. Ah bon? Bah, je suis pas au courant. Ouais, on sait enfin où il les a achetées. Où ça? À la aux chaussures. Allez, on passe maintenant au con du jour, donc avec Sandro. Ouais, c'est une Américaine, en fait, elle est dans une station de ski, elle veut aller se promener à pied. Ouais. Donc elle va sur Google Maps et elle regarde la balade qu'elle peut faire là-bas, quoi. Donc elle rentre son point de départ, son point d'arrivée, et elle suit les indications sur son portable. Ouais. Jusqu'au moment où elle se fait écraser par une bagnole. Hein? Oula. Ça va, elle s'en sort, mais elle a décidé de porter plainte contre Google Maps qui lui avait pas indiqué l'absence de trottoir. Non mais c'est une blague. Non, c'est non. Attends, pas du tout. Ça se passe où? Aux États-Unis? Ça se passe aux États-Unis, ouais. Ah, c'est contrairement étonné, tiens. Ouais, c'est aux États-Unis. c'est par là. C'est aux États-Unis. Non, mais j'ai la. C'est là où il y a des montagnes concrètement. Quoi. Aller, c'est dans l'Utah. Ah, dans l'Utah, d'accord. Okay. Et en fait, donc, elle a réclamé 100 000 dollars de dommages. Ah, ça, c'est ah dur non, à ça, dire. Il faut le dire bien. Alors, dédommagement. Alors, tais-toi. Elle a réclamé 100 000 dollars de dédommagement. Non, c'est 3, raté. 4. Hein. Elle réclame 100 000 dollars de dédommagement. Ah, bah voilà, tu vois. Sous prétexte qu'on l'a envoyé sur une route dangereuse, donc elle est un peu con parce qu'elle voit que c'est dangereux, mais bon, elle continue, hein, elle suit le téléphone. Ah oui, c'est comme les gens sur le GPS, hein. Faites demi-tour, mec, en plein milieu d'autoroute, tu fais demi-tour. Ah bah Jack, comme ça, il a atterri sur la piste d'aéroport. Hein. C'est vrai. Sur la piste. Il y avait du brouillard, si je ne m'abuse, non? Non. Ah non, bon alors d'accord, j'ai essayé de sauver. Un grillage, je peux aller plus loin. Ah bah oui. Bon bah merci Sandro pour cette conne du jour, on peut le dire. On enchaîne avec le sport, football et Coupe du Monde 2010. Direction le Brésil où le foot est donc une religion, ouais, évidemment. En Belgique aussi, c'est une religion, il n'y a juste pas beaucoup de pratiquants. Oui, bon, enfin bon là c'est au Brésil. Et toute la population tient à soutenir son équipe nationale, même les putes. Ouais, en France aussi, les putes soutiennent les joueurs. Hein. Bon, vous allez me laisser finir là maintenant. Donc les putes de Rio ont lancé une collection de t-shirts qui portent tous le numéro 69 dans le dos et qui arborent des slogans du genre « Allez la Seleção, marquez-moi un but !» Oh, c'est des putes qui ont de l'humour. Ouais, bah, effectivement, ouais. Bon, bah, c'est la marque d'Aspu Football Club qui a sorti les t-shirts pour procurer des revenus aux prostituées vieillissantes. Ah ouais, donc on peut vraiment les acheter? Oui, 17 dollars. À 17 quand même, ouais, pour un t-shirt d'une vieille pute, franchement je préfère me faire sucer pour 20 que de me faire une vioque pour de. C'est dur à dire, hein. Oh, Je préfère payer 20 dollars pour me faire sucer plutôt qu'une vieille que. Ah oui, c'est dur. Plutôt que de donner 17. Vioque. C'est la soirée. C'est dingue ça quand même. Allez, toi, voilà, allez. Sinon bon, tu laisses tomber. Moi hein. je préfère. Bon, tiens la main à Sandro. Allez, tiens la main à Sandro, je peux t'y arriver. Donne-moi la main. Vas-y, donne-moi allez, la main. Vas-y, regarde. Je te caresse. Je préfère payer 20 euros pour me faire sucer par une vioque que de donner 17 pour qu'elle m'encule. Ah d'accord, eh ben tu vois. Merde. Il a renversé son verre. Oh, merci pour cette poésie, hein, putain. Bon, allez, on reste dans la Coupe du Monde, Allemagne cette fois, avec une info assez insolite. À l'approche de la Coupe du Monde, le gouvernement a décidé de changer la loi. Oui, le litre de bière sera 1 euro. Non, ne prends pas tes rêves pour des réalités, Jack. Non, les législateurs allemands ont décidé de supprimer une loi du 1er juin au 31 juillet. C'est quand même relativement drôle, je trouve. Hein. Oui, bon, bah c'est quoi le... Bah, les Allemands pourront crier en public. C'est rigolo, non? C'est un peu l'angoisse quand même. Bah pourquoi? Je trouve ça plutôt marrant, moi. Oui, la dernière fois qu'un Allemand a crié en public, ça a très mal tourné. Hein. Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement. Bon, sur ce mec du jour touche à sa fin. Avant d'y mettre un terme, évidemment, le célébrissime quiz des citations. À votre avis, qui a dit « Je ne me reconnais pas particulièrement dans cette équipe de France » ? Marine Le Pen. Oui, c'est une bonne réponse. À votre avis, qui a tous dit... Tous les ans, elle dit ça, non ? Ouais. C'est vrai. Le Roux ne peut pas jouer, ça c'est... L'objectif pour cette Coupe du Monde est d'aller jusqu'au 12 juin. Raymond Domenech. Oui, bonne réponse. Vérification sonore. Oui. L'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'aller jusqu'au 12 juin. Au 11 juin. Le reste, juillet. Oui, pas juin, juillet. Ouais. Je suis mal, là. Ouais. Heureusement qu'on joue pas le 11 juin. Hein. Et si. On joue aussi. Si on arrive au moins jusqu'au 11 juin, ça sera bien. Et on essaiera après d'aller un peu plus loin. Jusqu'au 12. Voilà. Ça veut rien dire. Oh, le mec était complètement à côté, quoi. Non, c'est surtout le mec qui s'en bat les couilles. Hein. Ouais, mais dirait, ouais. C'est incroyable, le mec il sait pas quand joue ses joueurs. Bon, attends, la première fois il fait un lapsus, après il fait des vannes. Pourquoi il fait un lapsus? Bah, juillet, juin, ça arrive de se tromper. Parce que la finale c'est le 12 juillet. Et son contrat se finit le 11 juin. Non. Si, c'était ça, ouais, c'était ça le délire. C'est qu'en fait son contrat il se termine juste quand la Coupe du Monde commence. En fait, il a mélangé avec sa fin de contrat. Mais non, mais je comprends. Bon, bah alors, comment ça se passe? Donc lui il va là-bas gratos? Non, t'inquiète pas. Non, je pense qu'ils lui ont prolongé jusqu'à la fin. Tu vois, son contrat en fait il se terminera le jour où ils seront éliminés, quoi. Ouais, peut-être. Ou qu'il gagne. Okay. Bon, ouais. Et à votre avis, oui. Qui a dit si un autre concours de Miss se met en place, ça se réglera devant les tribunaux? Geneviève? Non, celle qui remplace Geneviève. Sylvie Tellier. Effectivement, bonne réponse du Roux. Merci de m'avoir mis sur la piste. Merci. Fin du mag du jour. Retour du mag du jour un autre jour. Mickaël, le podcast. Retour avec Romain d'abord, qui voulait parler des colocataires là avec son problème. Et Charlotte qui est là maintenant, 23 ans de Bruxelles. Salut Charlotte. Salut à tous. Comment Salut. Ça va? Salut. Bah, ça va. Bon, bah, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de Bruxelles encore, ça fait longtemps. Bah ouais. Bon Charlotte, alors tu voulais réagir toi par rapport à Romain au niveau des colocs? Bah oui, voilà, parce que bah, moi je suis en coloc depuis 5 ans dans une à maison. Bruxelles. À Bruxelles. Ah ouais, il est là le problème. Ah, donc tu faisais tu cocotais? Ouais, je cote encore. Hein. Ah ouais, d'accord, encore. Ouais, c'est ma dernière année. Qu'est-ce qu'il y a ou quoi? Elle pue? Non, il faut que t'expliques à Sandro parce que moi je sais, mais Sandro c'est pas. Cocoté, c'est pué hein, chez nous. Ouais. Hein. En gros, tu viens de lui dire qu'elle puait, elle t'a dit oui, je pue. Non, c'est pas de la même manière. Hein. Ouais, avec un cas. Donc, voilà, à Bruxelles, quand tu cotes avec quelqu'un, c'est que tu fais une coloc. Ah. Voilà, et donc tu cocotes. Tu cocotes. Hein. Voilà, quand tu fais une coloc. D'accord, en fait, bah ici en France, si tu me dis tu cocotes, je peux me vexer. Cote, c'est un studio en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pourtant, tu cocotes, mais t'es dans une maison, toi. Oui. Voilà, si simple que ça. Ah, putain, bon. Franchement, je vous plains. Et donc Charlotte, oh, c'est ça, ouais. Charlotte, je t'écoute. Oui. La suite donc, bah, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, donc t'es en premier avec ton cocotaire? Oh, ta gueule, Roux. Non, ça va. Mais on est 10 nous dans la maison en fait. 10? Ah oui, quand même. Ouais, ah oui, t'habites dans un château. Non, une maison quoi. Ah, et donc on est 6 filles, 4 garçons. D'accord. En règle générale, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a des petits soucis, genre bon, les poils et les cheveux dans les douches, c'est pas toujours. Oui, c'est toujours très agréable quoi. C'est ça. Mais attends, une autre question. Si jamais t'as un pote qui rentre et qui repart, il a cocotte minute. Ça c'est du naserie, ça encore. Ah non, si moi je trouve les bonnes. Ah, franchement, je me suis forcé à l'héro. Hein. Ah, je la trouve pitoyable, mais je l'ai placé pour le placer. Ouais. C'est pour Toff. Ouais. Ce genre de choses, c'est pour Toff. Et donc, t'en as fait quoi du coup de tous ces problèmes? T'as réussi à trouver une solution ou pas? Bah, en fait, on a un peu trouvé des solutions ensemble. Donc, on avait aussi le problème qu'il y en avait 2-3 qui ont des copains et copines. Et bah, du coup, ils étaient souvent en cote. Et à la fin, on en avait un peu marre. En coloc. Voilà, donc on était plus souvent 15 que 10 dans la maison. Ils faisaient rentrer leur meuf et leur gars. Voilà, leur meuf et leur gars. Et donc, bah, parfois, c'était un peu lourd. Quoi. Donc, bah, on en a discuté ensemble. Et maintenant, ils ont arrangé ça, ils couchent ensemble. Bon, non, pas encore. Bah non, mais du coup, bah voilà, on en a parlé. Et donc, bah déjà, on essaye que les meufs et les gars viennent un peu moins souvent en côte. Et bon, bah en général, en période où on a beaucoup de travail, où on a les examens, bah à ce moment-là, on évite qu'il y ait trop de monde qui vienne aux côtes. Et puis, on fait des soirées. Déjà à 10, c'est pas mal. Quoi, ouais, c'est ça. Moi, ça me choque. Ouais. Ça. Enfin, c'est une question sur les 4 gars. T'as couché avec combien? Aucun. Et sur les 6 filles? Aucune non plus. Ah bon, mais comment ça se fait? C'est pas du tout mon type. Hein. Ah oui, c'est une bonne raison. Hein. Et tu as déjà ramené combien de mecs? C'est ça la vraie question. Pas beaucoup en fait. J'ai été longtemps avec un mec et puis bah voilà. Et puis donc, bah voilà, écoute, c'est une bonne raison. Hein. Et bah voilà. J'ai une question un petit peu indiscrète. Tu payes combien de loyer? Moi je paye 290 euros. D'accord, ouais, donc oui, c'est intéressant d'être à 10 alors. Ah oui, parce que tu vois, si tu payes 500 euros pour être à 10, Non, oui, mais oui, en horreur, fait, quoi. Non, vu comme ce qu'il y a aussi, en fait, c'est qu'il y a un propriétaire de la maison qui a un contrat avec chacun des locataires. Et donc, on paye tous un loyer différent en fonction du nombre de mètres carrés et de la situation de la chambre. Ah, d'accord, c'est pas juste divisé par 10, quoi, en l'occurrence. Non, non, pas du tout. Non, d'accord, non, ok, très bien. Parce qu'il y a des privilégiés qui ont des chambres plus grandes. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Avec salle de bain et qui paye le même prix que les autres. Bah non, non, on a une salle de bain pour nous 10 et une cuisine pour nous 10. C'est vrai. Et puis, non, mais j'avais un message personnel à faire. Et puis, il y en a qui ont aussi une maison complète pour 7 jours et qui payent le même prix que celui qui est là-dedans de 3 jours, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc au final. Hein, vous parliez de Sandro et Max se parlant entre eux. Voilà, c'était des petits messages. Et on tire chacun nos avantages, ça nous arrange parfaitement. Voilà. Bah, exactement, ouais, tout à fait. Bon, bah, merci Charlotte d'être passée. Bah, écoute, de rien. Et puis, bah, tu reviens quand tu veux, hein. Bah, pas de soucis. Salut à toi, Charlotte. Bonne soirée à tous. Salut. Ciao. Salut. Allez, bye bye. Et puis, bah, Romain, merci à toi d'être passé aussi. Bon courage avec ton coloc, hein. Je crois qu'une bonne discussion ou une séparation s'impose, hein. Ou un poing dans la gueule. Non, et vite, parce ça que ça servira à rien. Ouais. Puis il a l'air peut-être plus entraîné lui. Hein. Non mais vraiment, non mais c'est pour le coup tu vraiment. Tu sais pas ce qu'il fait de ces week-ends. Non mais c'est ça, ça servira à rien, laisse tomber, ouais. Je veux juste passer une petite dédicace. Allez, vas-y. À ma boudou boudou que j'aime le plus au monde. Tu vois, c'est avec des trucs comme ça que le mec il se fout de ta gueule. Oui, il a raison. Hein, il a, ouais, à ma boudou boudou. C'est horrible. Désolé. Oh, c'est bien, t'as pas honte de le faire à la radio. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah nous on l'aurait pas fait. Mais même à la hors radio on l'aurait pas fait. Ouais, on se met dedans dans le cul mais on dit pas boudou boudou. Bon, le message est passé, Romain, je te fais des bisous, à bientôt et bonne chance. Allez, bisous, ciao. Ciao. Allez, ciao à toi. Et puis on va jouer aussi tout à l'heure aux questions pour une réponse. Bien entendu. Et on devrait a priori avoir des nouvelles de Monsieur X. Ah, ça, c'est, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu? Eh ben lundi, sa machine a explosé en direct, ça a fait un bruit incroyable. Il est mort. Faut aller contrôler son Facebook. Ah oui, oh. Ah oui, c'est vrai, faut que tu t'y mettes. Oh, mais ils vont encore faire sa pub en 2 heures, là. Bah oui, mais c'est le jeu. Ça me fatigue. Mickaël, le podcast. On va passer maintenant aux questions pour une réponse avec Hugo et Elisabeth. Bonsoir, Hugo. Salut, salut Mickaël, salut. Ça va bien? Salut. Ouais. Bon, tu veux jouer avec qui, Hugo? Avec Sandro. T'as quel âge, Hugo? Moi, 22. Ouais, ouais. Ouais, Hugo, t'as intérêt à cartonner. Pourquoi tu veux pas dire ton vrai âge? Bah, j'ai 22, pourquoi? Non, mais le vrai. Bah, c'est ça, le vrai. Ouais, mais Hugo, ne prends pas pour des cons. Ne prends pas pour un idiot, Hugo. C'est comme si moi je disais: salut, je m'appelle Mickaël, j'ai 8 ans. Ouais. Bah, 8 ans. Bah, attends, vas-y, t'es né en quelle année? Moi? 86. 86. Ah, maintenant, ah oui, alors tout à l'heure problème. Au standard, il est en 88 tout à l'heure. Un petit problème, hein. Bon, Hugo, tu pourrais nous dire, t'as 11 ans, c'est pas grave, tu peux jouer quand même, c'est pas grave, hein. Ah ouais? T'as quel âge? 14. Ah, alors, Hugo, petit conseil, c'est-à-dire que t'as 14 ans, c'est pas grave que tu nous as mitonné, tu croyais que tu pouvais pas jouer si t'avais 14 ans, mais c'est pas grave. Et ouais. Mais par contre, vu la voix que t'as, 10-16, tu vois. Faut que ce soit crédible. Voilà, parce que là t'auras dit: ouais, j'ai 47 ans, je m'appelle Robert, je suis camionneur et je suis père de 7 enfants. J'aurais l'air pas con, hein. Ah ouais, là ouais, bah, c'est déjà fait, con, hein. Ouais. C'est déjà fait, Hugo, c'est pas grave. Ouais. Bon, tu veux jouer avec qui, Hugo? Ou alors faut te passer pour une fille. Ah, avec, ouais, ou faut te passer pour une fille. C'est vraiment qu'il touche ses seins, donc qu'est-ce qui se passe, ça t'excite? Non, parce que mon soutien-gorge s'ouvre là, oh, au bah milieu. Attends, je vais le remettre. Devant, au milieu, et il aime bien sans le dégrafer. Ah, c'est dommage. Pour que je le regrafe, il m'appelle. Ouais, non, pas du tout, ouais. Non. Avec tes mains qui puent la merde là. Ouais, c'est sans laver. Tu me fais sentir tes doigts qui sentent le caca et après tu veux bien me toucher les nibards. Voilà, c'est ça. C'est, ouais. Ça, ouais. C'est arrivé il y a une heure, hein, pour info. Hein. C'était ouais. Vraiment vrai avec le roi. Bon, et d'autre côté, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Ouais. Coucou Mickaël, oh, c'est Elisabeth, Elisabeth, ouais. De la chanson de l'Euro. La chanson de l'Euro. Bah bien sûr, l'Euro. Quelle angoisse. Ouais. Un petit bout de la chanson de l'Euro pour débuter. Attends, bah, bien sûr. Tu veux jouer avec qui d'abord? Bah avec Roux. Ah bah oui. Ah bah ouais. Bah ouais, avec bon la nom, chanson. 3, 4. C'est l'Euro qui vient. Attends. Attends, Hugo qui la connaît aussi. Elle est bonne, la chicorée de l'Euro. L'Euro au petit déjeuner, un amour de vous. Ah, mais attends, mais je peux pas dire la suite parce que l'autre est mineur. Non, oui, déjà. L'autre est mineur. Effectivement, oh, c'est bon, je connais. Ça va durer une heure. Tu je connais la suite? Ouais. Elle a dit l'autre. Ah bon, tu connais la suite? Vas-y, Hugo. Tu sais, tu fais de la, tu parles à la radio, hein, Elisabeth. Ah, vas-y. Attends. J'ai vu toute la chicorée de l'Euro. Après, l'Euro. Maintenant, j'arrête. J'arrête pas, maintenant je me mouiller, l'Euro est bien réveillé, il va vivre. Après, j'avoue. Elisabeth, t'es une star. Oh bah bien sûr, je sais. Même dans le grand quartier, déjà, il y a des jeunes qui m'ont dit « Ah ouais, mais c'est moi qui fais la chanson de l'Euro, ouais. Ah » ouais. Et j'ai dit, là déjà, heureusement que déjà je passe à la radio, mais pas à la télé, parce que je serais passée à la télé, alors là, ça y est, c'était foutu, j'avais les gardes du corps. Hein. Bon, Elisabeth et Hugo. Ouais. On va, ouais. On va jouer, hein. Oui, jouons. Ouais. Hein, question pour une heure. Réponse. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Question pour une réponse. Donc je rappelle que Hugo, du haut de ses 22 ans, va jouer donc avec Sandro. Allez Hugo, allez. Avec Sandro donc, et Elisabeth va allez, jouer allez, avec... Roux. Ah non, c'est Leroux, hein. Leroux. Oui. Oh, on est les meilleurs. Allez. Ah, oui, c'est vrai. On va le défoncer, là, ouais. Allez, attends, le couple qui déchire, là. Hein. Attention, on va y aller, première question. Vous êtes prêts? Prête. Ouais. Top, je suis très gros et noir quand je suis destiné à récupérer le rayonnement solaire pour le convertir en une autre forme d'énergie. On peut dire que je suis partout, également dans l'immobilier où je suis apposé sur un bien immobilier afin de dire s'il est vendu ou pas. Je suis long et maigre et on me compte par dizaines quand il s'agit de vous indiquer votre chemin sur la route. Oh. Un panneau. Un panneau, bonne réponse. Putain, j'allais le dire. Merde. Quand une personne se fait avoir par une autre personne, on dira qu'elle est tombée dans le moi. Rajoutez-moi un i et je suis un instrument de musique à queue ou pas. Je suis donc un panneau. Un piano. Oui, c'est ça, ouais. Elle cherche encore Elisabeth. Elisabeth, c'est bon, c'était un panneau, le roux a trouvé. Le roux a trouvé. Qu'est-ce que tu fais? C'est fait, c'est fait. Yeah, oui. Elisabeth. Oh, ça me fatigue. Michel, tu m'as pas expliqué les règles. Franchement, Polo a du courage. Hein. Tous les soirs, c'est dur. Hein. Deuxième question. 1-0 pour Elisabeth. Ouais. Top, ouais, je suis né le 30 mars 1968 à Charlemagne. Non, ce n'est pas ce sacré petit bonhomme qui eut un jour cette idée folle d'inventer l'école, mais bien la ville au Québec. Je suis une chanteuse à grand succès que Sandro en France. Céline Dion, bonne réponse. Stop. Non Elisabeth, c'est pas toi qui a gagné, c'est Sandro. Au Canada ou encore dans le fin fond du Kurdistan, en 30 ans de carrière, j'ai déjà enregistré plus de 25 albums, aussi bien en français qu'en anglais. J'ai vendu près de 200 millions de disques dans le monde. J'ai sorti deux... Oui, Elisabeth. Comment elle s'appelle? Diane Pell. Mauvaise réponse. J'ai sorti de nombreux tubes comme Pour que tu m'aimes encore, S'il suffisait d'aimer ou encore Ziggy. Elisabeth. Oui. Ouais, oui, mais déjà donné. J'ai un enfant et j'attends des jumeaux avec mon mari René. Je suis Céline Dion, bonne réponse de Sandro. Dernière question, il y a partout. Elisabeth, tu m'as saoulé. Ouais, mais tu as joué tout seul. Putain, mais réponds aussi. Mais tu l'écoutes pas. Oui, j'ai compris, Elisabeth, et toi. Troisième question. Elle m'a saoulé. Il est où mon candidat? Il s'est suicidé, il est noyé là. J'ai pas triché. Un partout. Non Elisabeth, j'ai pas triché. Un partout. Top, je suis une ville du sud de la France, plus exactement située dans le Vaucluse. Sandro. Et qui s'étend. Sandro. Sandro. Arcachon. Mauvaise réponse. Elisabeth. 7 Nîmes, non, une seule réponse. 7 mauvaise réponse. Elisabeth. C'est Sorgue. C'est disque. Carpentras. Vas-y. Elisabeth. Sandro. Cannes. Non, aujourd'hui on ne compte pas moins. Putain. Non, de 100 000 habitants, je suis surnommée la cité des papes en raison de l'installation des papes de 1309 à 1423. Sandro. Bonne réponse. J'avais dit ça. Oui, mais tu avais dit avant, il fallait dire après. Dans le sud de la France, jusqu'à la Révolution, j'ai été classé patrimoine mondial de l'UNESCO grâce notamment à des monuments, mes édifices et mon festival. On dit que sur mon pont, on y danse, sur mon pont, on y danse tous en rond. Je suis Avignon. C'est quoi Elisabeth? Avignon. Oui, non. J'avais dit, on y danse tout en rond. Tirade pleine chez Micha. Non, chez Polo. Tirade pleine chez Polo, c'est ce que je voulais dire en plus. Oh, sinon on fait gagner les deux. Non. Au revoir Elisabeth. Michel. Oh, deux fois j'ai perdu. Plus jamais. C'est pas juste. Plus jamais, Michel. C'est vrai qu'elle l'avait dit. Hein. Oui, elle a dit avant, avant, elle a dit avant, elle a dit, avant, elle pouvait pas le dire. C'est pas juste, Céline Dion et tout. Quoi? C'est pas juste. Non, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Roux, t'as vu, j'avais gagné, t'as vu comment ils sont. Je comprends Polo par moment. Ouais, ouais, franchement, ouais, ouais. Ras-le-bol, ras-le-bol, je peux vous dire qu'on en a ras-le-bol. C'est le Polo chaud avant l'heure. Bon, Elisabeth. Ah ben non, elle est morte. Allez, casse-toi, voilà. Ah, comme Polo. Non, sauf que Polo, il fait... Qu'est-ce qu'il y a, Elisabeth? Bon, Hugo, c'est ouais. gagné. Tu repasses chez Michel au standard, on prend tes coordonnées. Ouh. Et la prochaine fois, okay. ne mens plus. Elle est en train d'hurler, Elisabeth, là, dans le standard. Ok. Oh là là. Ouais. Allez, salut Hugo. Oh là là. Bah, lui, elle va hurler chez Micha, ça sera. Oh là là, vas-y, remets. Ciao. Ouais. S'il te plaît, Michael. Quoi? Michael, s'il te plaît, on peut pas faire un autre truc, c'est-à-dire, je sais pas, mais au moins une fois par semaine, mais un jour pour. Non. Allez, on revient dans un petit instant. Retour du question et pour pas, réponse. Pas. Non pas demain, parce que ce sera bien sûr Jean-Claude, mais lundi 21h. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Michael, le podcast. Et puis, bon alors, on a des nouvelles de Monsieur X avant le Polo Show, alors. Oui. Bonsoir. Ah bah bonsoir. Alors comment ça se passe là? Vous êtes de retour? Qu'est-ce qui s'est passé lundi là? Ah bah on a réparé ma machine était cassée et voilà. Ah mais c'est la machine qui a pété? Ah bah oui, c'était la machine. C'était la machine. Mais moi, je pensais que c'est vous qui étiez décédé. Et non, je vous manquais, je sais. Bah oui, moi je l'ai vu, sur ma page Facebook hein, que je manquais aux gens. Ouais, et c'est ça. Je vous rappelle l'adresse peut-être. Hein. Donc, on s'en fout. Monsieur X. Énergie, le tout en toutes lettres avec des espaces entre X et énergie. Ouais, d'ailleurs j'ai vu un message de Marie qui disait: je viens de remarquer que les mecs présents ici sont juste là parce qu'ils sont jaloux de vous et du bonheur que vous pouvez que vous nous procurez. Monsieur X répond: évidemment, ils viennent apprendre comment démonter des cubes, mais il faut être patient pour rattraper le maître du fistanal. Oui. Je n'ai rien à dire de plus. Ça te fait rire. Ah bon, bah ne dis rien alors. Vous avez déjà fait de la coloc, Monsieur X? Oui, j'ai fait de la coloc avec 3 Suédoises. Et comme par hasard, comme par hasard, 3 Suédoises. Oui, c'était pas mal. Hein. Vous me permettez une seconde? Vas-y. Si vous faites, excusez-moi, parce qu'il y avait votre abruti de standardiste qui me jetait des choses. Ah, mais il n'est pas standardiste. Hein. Ah, pardon. Mais bon, il est abruti. Hein. Votre abruti du fond. Bon, alors, donc la coloc avec les Suédoises. Oui, j'ai fait de la coloc avec les Suédoises, c'était pas mal. Bon, forcément, au bout d'un moment, j'étais fatigué, j'ai dû partir. Hein. J'arrivais pas à tenir. Hein. C'était dur, je comprends. Oui, c'était dur en permanence, et donc forcément, au bout d'un moment, bon, j'ai commencé à avoir des problèmes d'érection, donc j'ai arrêté. Hein. Oui. Ah, vous avez des problèmes d'érection alors, d'accord. Oui, bah oui, avec 3 Mais c'était avant votre opération à Cuba, là, pour vous élargir la bite. C'était bien avant, j'étais jeune. Le frein a tenu ou pas? Le frein a tenu, oui, à cette époque-là, il tenait encore. Hein. Bon, après, j'ai eu un peu plus de mal, mais bon, ça a été. Tant qu'on parle de coloc, est-ce que vous connaissez la mini-série sur Dailymotion? On nous en a parlé tout à l'heure. Ah ben, c'est pas mal, j'ai regardé, ça m'a pas rappelé des souvenirs avec mes Suédoises, mais c'est pas mal, c'est drôle, ça m'a fait rire. Mais c'est pas un truc de cul ça, Monsieur X, vous en parlez quand même? Non, mais par contre l'actrice est très très bonne. Hein. Donc, personnellement, si elle pouvait me laisser son numéro, j'irais bien la voir dans sa colocation. Je me disais bien. C'était quoi encore? Dailymotion.com/ mes colocs. Avec un S. Mes colocs avec un S, oui tout à fait. Ouais voilà, c'est ça, ouais. Bon Monsieur X, sinon. Vous n'avez pas le numéro de la colocataire? Non, je n'ai pas le numéro de la colocataire. Colocatrice. Oui. Enfin, colocatrice. Bon bref, on peut faire quelque chose pour vous? Oui, je voulais vous faire écouter une chanson. Oh là, quelle merde, ça va encore être pourri ça. Bon quoi? Elle s'appelle Colette Renard. Quoi? Colette Renard. Oui. Et alors qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute? Bah je voulais vous faire écouter. Écoutez bien les paroles. Nostalgie donc. Oui. Enfin, que juste la musique. C'est bon d'être demoiselle. Ouais, donc chiant. Attends. Toujours chiant. Attends. Quand l'étoile Vénus étincelle. Toujours chiant. Attends. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon. Enfin, je me fais X. empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin. C'est pas mal, hein? Je me fais gonfler la mouflette. Je me fais donner le picotin, je me fais laminer les crevilles. Franchement, il faudrait la mettre, tu sais, mais avant 22h30, ça rentre dans les quotas. La police, quota français. Je me fais planter le mont velu. C'est pas mal, monsieur X, hein, pour une fois. C'est artistique. C'est glamour. Mais je me fais briquer le casse-noisette. Je me fais mamourer le bibelot. La sucette. Bon, on la remettra. Bon, monsieur X, bah, peut-être lundi alors. C'est vrai que M. Polo est un fan de Colette Renard. Oui, oui, oui, il connaît bien Colette Renard. Il écoute ça non-stop dans sa smart. C'est du vieux qu'on a ressorti ou... Oui, c'est une vieille chanson que j'ai retrouvée dans mes vieux disques. Alors je voulais vous la faire profiter. D'accord, ça, c'est marrant que t'as toujours des musiques comme ça dans les salles d'attente quand tu vas chez le médecin. Ouais. Faudrait la diffuser celle-là. Oui, tu pourrais effectivement. Ça date de quand? Ouais, je sais pas, à mon avis. Je vous retrouverai l'année précise pour lundi. Bon, on en reparlera lundi, d'accord. Chez le gynéco, faudra le mettre chez le gynéco. Ouais, ouais, c'est l'idée, ouais. Bon, monsieur X, passez bon week-end, puisqu'on vous entend pas demain, j'imagine, c'est vendredi. Hein. Ah, bah c'est vendredi, faut que je vienne de la cochonne avant. Ouais, vendredi. C'est ça, ouais. Allez, au revoir, et monsieur X. Je vais rappeler l'adresse de mon Facebook quand non. même. Hein. Allez, the P.O.L.O. Show now. Le Polo Show. C'est ça. Salut, c'est quoi moi, cette merde, Elisabeth. Oh là là. La princesse du Polo Show de l'énergie. Allez, casse-toi, je suis dedans. Elle est bonne à picorer de roux, de roux au petit déjeuner. Un amour de roux, un amour de roux. C'est Elisabeth dans le Polo Show. Vive le Polo Show. Je sais même pas que ça existe. Et vive la France. C'était vraiment de la merde, je ne veux plus jamais entendre ce jingle, qu'il aille aux oubliettes, qu'il aille en enfer. Bienvenue dans le Polo Show, c'est moi, Polo, hein, si vous l'avez pas remarqué, je suis là jusqu'à... jusqu'à ce que monsieur est, se taise. C'est très drôle. Je voulais juste dire un truc pour tous les gens qui aiment le foot, que c'est vraiment un sport de merde et c'est vraiment le sport le plus con et le plus inutile qui n'a jamais été inventé sur Terre. Donc voilà, je vous emmerde. Il y a le curling quand même. J'emmerde le foot, j'emmerde ceux qui aiment le foot et j'emmerde ceux qui jouent au foot. Ça va ? L'aigreur est passé, jingle et pub. Jingle. Non, pub. Allez, super. T'en fous, fais comme tu veux, mec. Si ça fait des années que vous persistez et continuez à croire que vous allez réaliser votre rêve, il y a une application pour vous rendre plus lucide. Putain de jeux olympiques de merde, j'y arriverai pas. Si vous en avez assez de vous mentir et que vous souhaitez découvrir la vérité sur vous-même, il y a une application pour ça. Toutes les personnes qui pensent que je suis un petit con, ils ont raison. Si vous aussi, vous aimez vous humilier devant des caméras pour que tout le monde se foute de votre gueule, il y a une application pour ça. Oh, c'est une catastrophe. Brian Joubert ne sera pas champion olympique. Découvrez la nouvelle application d'Apple. I se casse la gueule uniquement sur la piste. Sur iPhone, bien sûr. Hi, this is Plan B and you're listening to the Polo Show, motherfuckers. Plan B, you said motherfucker. Il m'avait fait peur. Plan B. Flamby, ouais, c'est Flamby, pardon. Il m'avait fait peur. J'ai l'impression qu'il allait m'agresser à chaque fois qu'il me regardait. C'est ça les Anglais. Comment suis-tu avec qui est là? Le Polo? Ouais. C'est Pascal, ça va? Je m'en fous, Pascal. Ah c'est Pascal Ounet? Oui. Le vrai? Ouais, oui. Bon, allez, vas-y. Eh, Roux, t'es encore là ou pas? Il est pas là, Roux. Alors, je tiens à dire à tout le monde que je suis seul là, j'ai demandé à ce que tout le monde sorte du studio parce que j'en ai marre de leur sale gueule, voilà. T'as raison. Ah bah, il me dit que j'ai raison. Vas-y. Ouais, ça va? Ouais, oui. Ouais, c'est bien. Fais attention, je suis armé. Ah bon? Ouais. Bah je m'en fous. Ah bon? Je suis pas tout seul, moi, alors. Bon, ok. Non, parce que moi, faut que je vais mon médecin de main, moi. D'accord, c'est très bien. Bah, tu lui remettras mes amitiés. Non, je plaisante pas. Mais moi non plus, je plaisante pas. Tu rigoles. Mais, et alors? Parce non, que je suis un idiot, voilà. Ah bon? Bah tu le dis? Bah oui, je le dis. Bon, qu'est-ce que tu veux, Pascal Ounet? Ah oh, mais c'est pour parler des... comment... Le pané? Non, parler des... Parler des... Attends, des quoi? Je cherche le mot. C'est les... Tu veux qu'on te laisse une semaine pour réfléchir? Non, non. C'est peut-être y arriver. Bah oui, j'espère. Des vers solitaires. Faut vous donner parler hier, des vers solitaires. Des vers solitaires? Ouais. Et moi, je vais voir mon médecin parce que je crois que j'en ai aussi, moi. Donc vous êtes deux? Ouais. Dans ton corps? Non, on est qu'un. Mais non, il y a un vers solitaire. Oui. T'as un animal de compagnie, c'est bien. Tu peux le transporter partout. Ah bah je me suis indiqué il y a 15 jours. En 2015, je me suis revenu alors. Ça fait 4 ans que je me grossis pas, alors... D'accord. Je vais faire avec mon médecin demain. D'accord, bah écoute, bon courage. Ouais, puis je vous en parlerai demain. Ah, je croyais que t'allais dire je vous emmerde. Non, je suis pas comme ça, moi j'ai pas pour le show. Allez, ciao Pascal Ounet. Bise à toi et puis reviens pas surtout. Qui est là? Allô? Ouais. Raymond Valenciennes. Quoi, Raymond Lachienne? C'est Raymond Valenciennes. J'appelle pour Baptiste Ogourou. au concours. Va recevoir Kesha à Valenciennes. Bon, ta gueule, qu'est-ce que tu veux là? Il me il gonfle. Pour recevoir Kesha à la prison de Valenciennes. Ah là Kesha. Je peux vous envoyer taf si vous voulez à la prison de Valenciennes. Oh, bah, non, on va participer au concours avec les copains. Y'a pas va de concours recevoir. Oh. Eh hey. Michael, il a dit qu'il avait Kesha qui vient au concours. Y'a pas. Y'a pas. Bah, elle a gagné le concours avec les chats. Les très bien, avec les chats, t'as gagné le concours avec les chats. Avec les chats, les chats tout nus. Y'a pas, je sais pas comment il t'appelle là. Pour participer, alors avec Michael au concours avec les chats. Bon, t'es prêt? Ouais, vas-y. Alors, quel est ton quotient intellectuel? Quoi? Ton quotient intellectuel. À Valenciennes. D'accord. 2 plus 2. Ah bah 4. Ah bah oui, bravo. J'ai bravo. Gagné Kesha. Elle va venir à Valenciennes. D'accord. Avec ses copains, elle va dormir dans le lit avec moi. Tu crois que Kesha va venir à la prison de Valenciennes? Elle va dormir dans le lit, elle est sympa. Bon, fous-moi le camp. Il m'a saoulé. Je t'ai raccrochonné parce que c'est pour ton bien. D'accord. Allez, casse-toi. Qui est là? Oh, capitaine, mon capitaine. Oui. Oh capitaine, mon capitaine. Je t'attends voudrais quoi, savoir... t'attends quoi? Que je te donne un signal ou je tire là avec le petit pistolet pour les courses? Ah oui, viens me faire les courses s'il te plaît. Non, par contre il est où monsieur? S'il te plaît. Tu veux lui parler? Bah bien sûr. Ça se mérite. Il faut... Bah bien sûr, s'il te plaît Polo. Tu le reçois comme il se doit. Par contre, je voulais te demander quelque chose Polo. C'est qui m'a émisé tout à l'heure dans le jingle? Bah, je crois que c'est toi en fait, hein. On a pris des morceaux de ta voix. C'est pas moi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Elisabeth, calme-toi. Ouais. Écoute ça. D'accord, monsieur A est là. Monsieur A. Elle ne me laisse pas parler. Ça va, ma salope? Mais bien sûr que ça va. Bon, alors je t'écoute, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne m'appelles jamais à l'appel? Bah, je vais t'appeler à l'appel alors. Mais tu... tu sais que ce soir, je peux te dire que ce soir, c'est pas que je suis bouillant, c'est ce soir je vais péter un cul, je te le dis direct. Mais moi je te dis que moi en ce moment je suis chaude en ce moment. J'arrête pas de penser à toi, monsieur. Et avec Micha aussi, j'ai envie. Énergie, je t'assure. Mais pourquoi on se mettrait pas ensemble, toi et monsieur? Monsieur, tu viens vivre avec moi, avec toi. Attends, Elisabeth, c'est très important ce que tu viens de dire. Tu veux dire pourquoi on se mettrait pas ensemble, toi et monsieur? Et avec Micha, ça veut dire... Ah d'accord, vous êtes 8 alors. Attends, monsieur, tu peux venir en vacances chez moi? Je peux venir, mais je peux pas venir avec Micha parce qu'il y aura un problème de bite. Mais ça fait rien, mais Micha, c'est mon mari. On va se marier, monsieur. T'es invité au mariage, toi? Bah moi, je suis invité au mariage puisque tu m'as dit que tu me sucerais le jour. Mais bien sûr que je... Bah, de toute façon, moi, j'ai sucé tout le monde, hein. De toute façon, on va faire comme ça un dilemme. Tu regardes pas dilemme, monsieur A? Au mariage, bon, on va tout s'embrasser dans la bouche. Elisabeth. Oui. Tu voulais parler à monsieur A, pose-lui ta question au lieu de raconter des trucs vulgaires comme ça. Monsieur A, s'il te plaît, ça te dirait de venir ce week-end là pour me monter la piscine chez moi? Parce que comme ça, nous peut... Et moi, je viens et puis je te finis l'abricot. Bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je viens. Et comme ça, après... Après, on peut baiser dans la piscine après. Il n'y a pas d'abaisse. C'est une piscine, je faisais la baise. Je te blanchis la caverne tout le week-end. Hein. Ah bah voilà, bien sûr, c'est un manque. Hein. Bon, Elisabeth, on s'en fout, monsieur, calme-toi. Elisabeth, calme-toi. Oh là là là là, est-ce qu'on peut avoir le jingle de fin, s'il vous plaît? Gracias. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer le polo show, monsieur est... Polo. Ouais. Je vais faire l'appel. Allons-y. Sabra. Elle est pas là. Alors Polo. Je suis une balance, moi tu sais, je suis la balance dans la classe là. Polo. Alors, à partir de maintenant, si Sabra n'est pas là dans les 10 secondes qui suivent, ouais. Je veux plus jamais qu'on m'appelle. Bah elle est pas là, monsieur, je peux pas la tirer par les cheveux. Elle sera là demain. Tiens. Moi je pourrais la tirer par contre cette pute. Alors, écoute. Monsieur Non, elle est pas là? Non, je peux. Elle est pas là. Viens là. D'accord. On continue l'appel, monsieur. Le pervers. Pas là. Je suis là. Ah, c'est le rebelle de la classe, monsieur. Pervers. Ouais. J'ai adoré ta chanson. C'est vrai, ça me fait plaisir. J'ai adoré. Mais que pour toi. Et ben, tu sais quoi, j'ai adoré. L'histoire du petit abricot, l'histoire de ramonage, l'histoire de tout. J'ai adoré. Tu sais quoi, je serais prêt à m'ouvrir la rondelle pour toi. Oh, c'est vrai. Oui. Ça me fait plaisir. Allez. Hop, ce soir, pétage de fion. Bah j'arrive. Jack. Présent. Jack. Merci pour ton texto. Merci pour ton texto, mon Jack. Il est là, mon Jack. Hey, Jack. Oui. Hey, Jack. Tu sais que quand j'entends ta voix douce comme ça, eh ben, je serais pas loin de me tailler une queue. Non, c'est bon. Non, ça va. Même pas dans une BM. Pas dans une BM. Ah bon, moi je la baisse. Jack. Oui. Tu vois que toi aussi, t'aimes bien. Tu vois, t'aimes bien. Monsieur, la suite de l'appel, c'est long, ça pousse. Ouais, bah l'appel, c'est le 18 juin. Alors, bravo, quelle culture. Non, c'est bon, bravo. Bravo, monsieur, bravo. Il est là, Roux. Présent, en général. Roux. Ouais. Roux, si tu savais, mon petit pro, si tu savais. Bah, mais pas. Si tu savais. Ils ont là. Roux. Je t'écoute. Non, je te dirai pas là. On va y aller, monsieur, ça pousse. Okay, on m'a fait un signe. La régie antenne m'a fait court. Oui, bah oui, la régie antenne, oui, parce que sinon la régie, oui, ça se passe. Ouais, allez, on y va, ouais. Oh, bon, tu es Polo. Non, mais monsieur, je n'ai pas le... Voilà, quoi. Bah, Polo, ça j'aurais voulu que ça soit extensible, mais ce n'est pas extensible. Le temps n'est pas extensible. C'est pas vrai. Et faut me prendre plus tôt au lieu de prendre prendre des débiles. Bah, vous savez quoi? Demain, je vous prendrai encore plus tôt et plus long. Vous serez long. Oh, prends-moi, Polo, et surtout en tenue de postier. D'accord. Il est là, Ikaël, ouais. Et Ikaël? Oui. Ikaël, monsieur, c'est scarifié pour toi. Bon, ça pousse là, ça pousse. Et Ikaël. Ça pousse. Oui, les sacs à main. Et oui. Ikaël. Bon, oui. Oui. Oh. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je peux faire juste un truc. Vite. Polo, oui, vite, ça sera s'il y avait de la pub. Je fais un truc. Jack. Ouais. Il y a un mec qui parle. Vas-y. C'est toi, Jack. Ouais. Oh, Jack. Oui, enfin Ikaël. Bon, c'est pas la rediffusion là. Ikaël. Oui. Ikaël. Polo. Quoi? Elle me regarde, elle comprend. Ah oui, bah oui, ça, même nous on comprend pas. Si... Enfin si on comprend, mais... Monsieur, ça pousse. Get up, stand up. Quoi? Polo. Yo. Pour le foot. Ouais. Ça pousse. Oui, ben ça va pousser, c'est l'air. Ouais. Pour le foot, Polo. Ouais. T'as qu'à écouter qu'une personne. Écoute-moi au lieu de faire des conneries. D'accord, je t'embrasse. Au revoir, monsieur. Qui est là? Elisabeth. Elle insiste. Attends, moi j'aime l'auditeur. L'auditeur est respectable. C'est ça, ouais. Ouais. Merci, Polo. C'est parfait. Merci, mon capitaine. Derrière, voilà. Allez, passe-toi, s'achève le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs, ça ne sert à rien, mais je me suis marré, voilà. Exactement. Mickaël, tous les soirs, 21h minuit, sur Énergie, et l'intégrale, en podcast, sur énergie.fr.